Tout commença lorsque les grands micros furent forgés. Un micro fut donné à l'elfe Didi. Immortelle, la plus sage et la plus respectable de tous les êtres. Un micro aux naines, Perrine et Julia. Ouais. Grande mineuse et sculptrice de drag queen. Ok. Et j'accepte. Un micro fut donné à la race du Bilka, qui par-dessus tout désirait le pouvoir. Car à travers ces micros furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre micro fut forgé sur les terres de Picardie, dans les flammes du terril du destin. Abe, le mudocon des ténèbres, forgea en secret un maître micro. Pour gouverner tous les autres. Je gouvernerai tous. Dans ce micro, il déversa sa cruauté, ses malveillances, sa volonté de me dominer toute vie. Un micro pour les gouverner tous. Un micro pour les trouver. Un micro pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les lier. Je dis que ça devient gênant. Et bonsoir à tous. Hey. Et voilà. Hello, hello, hello. Non mais j'espère que ça deviendra pas une tradition, ces espèces de mises en danger que je fais là. Mais en tout cas, voilà, vous avez eu le droit à cette nouvelle petite surtout celle-là. Intro. Surtout celle-là, quoi. Surtout celle-là, d'accord. Ouais, j'avoue. Est-ce que je peux l'avoir pour en faire mon réveil le matin? J'avoue, c'est la race des naines. Hey, je suis une race. T'as dit, c'est la race des elfes. Ouais. Et les filles, c'est la race des naines. Et moi, je suis la race des Bilka. Exactement. Bravo, eh oui, déjà l'ego à la base. C'était déjà un certain niveau. Alors, disons que je chapote tout ce qui est. Ouais, bon, voilà. Voilà. Alors, notre petit sommaire. De quoi on va parler ce soir? On va parler de nos brawls habituels, c'est-à-dire que chaque semaine, on parle de tout et n'importe quoi, sous forme de petits bordels organisés. Merci. Mais... voilà. T'as écouté l'émission, toi? Disons, de temps en temps. Voilà, c'est ça. C'est bien le seul, avec René. Et donc, nous allons aussi parler d'Heroic Fantasy. Au début, j'avais dit, on va parler de Fantasy. J'avais oublié que c'était pas la même chose, Fantasy et Heroic Fantasy. Et donc, on va parler, voilà, d'univers d'Heroic Fantasy, avec des chevaliers, des armures et des dragons, et des gens qui se baladent... en couchant avec leur sœur. voilà. Et donc, ça va être tout de suite après ça. En piste, on discute, danse, on n'oublie pas de rester disco. Administration. Le brawl, c'est ce que les Français appellent du bordel. Chez nous, c'est du brawl, tout simplement. Mais oui, c'est clair. Eh oui, c'est très clair. Oui. Qui veut commencer, mes chers amis? Eh bien, si personne... Allez, c'est Bilka, toujours, comme d'habitude, qui ne commencera pas. Allez, non, c'est Julia qui commencera. Allez, Julia. Ah bah si c'est comme ça, je m'en vais. Et pour Julia, s'il vous plaît, je veux passer un son qui va, à mon avis, très bien introduire tout ça. Ok. Ça, c'est toute mon enfance. Alors, vous avez reconnu, qu'est-ce que c'est? C'est le générique d'X-Men Evolution. Et qui est passé sur France 3 le dimanche matin à 9h42. C'est tellement bien. Ouais, et qui en vrai c'est avait un bon scénario. C'était sur Ludo ou pas? Oui, c'était Ludo, ouais. J'en ai vécu des émotions, franchement, sur ce sujet. Ouais, en effet. Ouais, elle est vraiment stylée. Hein. Et ça n'a pas grand rapport avec Alors, si. Pourquoi c'est un rapport avec ce dont tu vas nous parler? C'est parce qu'il y a l'ADN et les voilà, gènes. Exactement. Donc ce soir, je révèle que je suis un mutant. Non. Et voilà, et mon mais tu sais, on t'accepte tel que tu es. Hein oui. Non, à mort les mutants. Si, on l'accepte. Et quel est ton super pouvoir? Eh ben, c'est... De plier des cuillères en bois. C'est ça. Non, en fait, donc, t'as fait le fameux test ADN que tout le monde veut regarder. Tout, voit, en tout cas, tous les babtous, ouais. Voilà. Mais non, c'est... En fait, après en avoir parlé pendant très longtemps avec ma famille en disant « Oh lol, ce serait vraiment de voir un peu d'où on est au niveau génétique, parce que... » Est-ce qu'on est des Ariens ou pas? Pardon. Non, mais parce que bon, Godwin, quand, attends, on regarde la tronche de ma famille, quand on regarde la tronche de ma famille... C'est pas forcément, ça connecte pas avec ce qu'on a écrit, on va dire. Et non, et c'est que, enfin, genre des ancêtres, c'était beaucoup des gens du voyage, des trucs comme ça. Donc, moi j'étais curieuse. Ah, c'est pour ça que t'arrives à chanter olé, olé, olé, olé, olé. Pas du tout. Mais oui, mais ouais, donc j'ai fait un an, et en fait, une fois j'ai fait un binge jusqu'à 3h du matin de recherche sur l'ADN, j'ai regardé des reportages et des trucs. Je sais pas, ça m'arrive. Hein. Non, mais c'est bien. Et du coup, pour la petite histoire quand même, avant de donner mes résultats, on va parce dire, c'est attention. Que ça qu'on d'ailleurs, attend. D'ailleurs, tentez peut-être donner votre proposition après de qu'est-ce que je pourrais être. Ah. Mais en tout cas, non, juste pour la petite histoire, c'est illégal en France, les tests privés d'ADN. Pour, ah bon ouais, comment des, ça mais c'est pas illégal pour savoir qui sont tes parents, quelque chose comme ça. C'est tout à fait... Un pays éthique. Périne, n'oublie pas de ne pas interrompre. Exactement. Comme tu le fais traditionnellement. J'ai un passe-droit. Ouh, voilà, il pointe pas tout le monde du doigt. Mais non, comme l'a dit Didi, en effet, c'est des raisons éthiques. C'est pour... Ça cause plein de soucis, en fait. C'est pas forcément super bien, juste au niveau genre mental, de savoir des trucs sur soi qu'on savait pas ou des trucs comme ça. Mais souvent, dans le marketing de ce genre de truc ADN, là, c'est au contraire pour faciliter la compréhension de l'autre. Et on est tous humains, on vient alors, tous... C'est pour ça que moi, je n'ai pas poussé le truc très loin. C'est-à-dire que j'ai juste voulu savoir, OK, moi, juste moi, c'est quoi mes origines ethniques? Stop. Il y a des tests, par exemple, notamment... alors, par exemple, si tu as plus d'une personne déjà dans ta famille qui va faire le même test que toi, vous allez être connecté sur le site. Genre, moi, sur le site, j'ai 500 correspondances ADN avec des gens dans le monde. Hi. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils et te disent. Ouais. Pardon, je précise que tu peux choisir de partager tes informations ou pas, normalement. Non, sur le site, ça les donne automatiquement. Ah, merde. Donc, ça veut dire que si par exemple ta sœur ou ton frère ou voilà frère ou sœur, peu importe, fait le même test et que sur le site on vous dit d'un coup, en fait, vous êtes demi-frère et sœur. Et ben shit là, et c'est arrivé happens. À des gens en France. Hein, c'est arrivé à des gens. Il y a plein de choses comme ça. Il y avait un reportage qu'on parlait, mais un mec qui le disait un peu de manière anonyme, en gros, qu'il avait découvert ça. Et en voulant savoir qui était, en gros, de lui ou de sa sœur, le vrai enfant de leur père. Ah ouais, alors, le vrai ouais. enfant de leur père. Alors, je précise qu'on a des nouveaux micros qui sont un peu comme du stand-up. C'est, ouais. D'ailleurs, c'est vraiment les micros que tu dois tenir. Ça vous arrive aussi des fois. Moi, je connais un mec qui. Vous avez déjà remarqué. Quand on fait des tests ADN et puis. Puis on découvre que ma sœur, c'était ma mère. C'est ça. Non, mais en gros, voilà. Pour écourter, en effet, ça cause pas mal de soucis. Donc, les tests privés en France sont interdits. Mais d'accord. Bien sûr, le test que j'ai fait, c'est sur un site qui est en français. Le paquet, en gros, il est envoyé sous quelques jours depuis Israël, je crois. Ouais. Et envoyé... c'est quoi? C'est un bout de ta salive, c'est ça? C'est ça, c'est ouais. deux contents. T'as deux tubes, coton-tige. Tu fais une joue 30 secondes, une autre joue 30 secondes. C'est le cours d'SVT qu'on a en 6e, 5e. Voilà. Enfin, c'est ça, c'est collège. C'est ça, genre, oh, comment elle te fait la leçon. C'est ça. Et, ouais, non, c'est ça. Et tu renvoies ça aux États-Unis parce qu'en fait, c'est des boîtes différentes, mais je crois que c'est genre, en fait, le même grand. Grand Manitou de l'ADN aux États-Unis qui gère tout le monde. Google. Et non, déconnez pas, hein, mais il y a pas mal. Il y a des théories du complot là-dessus sur en gros. C'est-à-dire que tu donnes quand même tes informations ADN à une entreprise privée. Alors non, et c'est pour ça, j'ai fait quand même le choix de le faire, de commander ce truc et de le faire. Mais en effet, il parle par exemple du fait que ton ADN, en fait, ça t'appartient pas qu'à toi. Il y a toute ta famille derrière et donner. Oui, oui, bah tu oui. vois ces informations à propos de toi, en fait, tu donnes aussi les informations de ta famille. Plein de trucs, et il y a le danger qu'en gros, on utilise ça contre toi. On n'imagine peut-être pas forcément là tout de suite en quoi notre ADN ça sert genre de nous vendre des trucs, mais si, ça peut nous vendre, je sais pas, des médicaments, de la bouffe. Je dis ça, mais le clonage est pas loin, hein, du coup. Ouais, alors, il y a une théorie du complot qui je trouvais marrante. Alors attends, je crois que j'ai une idée. Ouais. Parce qu'avec l'ADN, ils peuvent développer des virus qui vont affecter certains types d'ADN. Alors, c'est vrai. Ça pourrait être possible. Et y a... Bonjour les amis, vous êtes sur Joie Podcast. Nous allons parler. Et comme je dis d'habitude, de toute façon, on va mourir. Voilà. Ça existe déjà. Mais vous mourrez moins bête. Ouais, mais tu peux mourir d'une manière plus gentille que tu vois, te faire intoxiquer par un virus. Alors, tu sais pas trop comment. La théorie que j'avais vue qui était un petit peu farfelue aussi, c'était qu'il y a déjà. Mais ça, c'est pas une connerie, hein, c'est qu'il y a déjà des recherches sur la régénération. De la jeunesse, tout ça. Et en gros, il y a un laboratoire qui est en train de développer ça de manière très sérieuse. Et leur truc, c'est que, soi-disant, tu aurais besoin d'ADN de toi plus jeune. Donc, il y a des gens qui pensent que là, ils font beaucoup de pubs, je ne sais pas si vous l'avez marqué, chez les youtubeurs, notamment, pour vendre un max de ces trucs. Et qu'en gros, plus tard, ils vont développer ça et dire, revenir vers toi et dire « Eh, ça te dirait d'avoir ton ADN de toi il y a genre 30 ans et redevenir jeune, tout ça ? Mais ça te coûtera 10 000 euros. » Voilà, c'est des théories marrantes. Voilà, ça me fait marrer. Ouais. Voilà. Je sais aussi, Moi, c'est rigoler aussi. Hein. Tout ça pour dire que... est-ce que vous auriez une idée juste à ma tronche ? Attends, dans le micro toujours, en mode stand-upper. Alors, ça vous arrive ? Alors, attendez, on fait tour de table, chacun son tour. Didi d'abord, vas-y. Tu viens d'Asie. Ok, d'accord. Alors, Bilka. Alors, pour avoir un peu étudié la question, c'est pas la Marseille. Gueule, c'est pas la gueule, c'est la forme du squelette. Alors, comme tu n'as pas de prognathisme et le front large, je dirais que t'as au moins une partie d'ancêtres qui sont scandinaves. Alors, ça me fait un peu penser là à Leonardo DiCaprio dans Django Unchained. Hein. Tu me fais un peu peur là. Non, on voit bien que sur la forme du crâne, c'est mais vraiment servile. Mais tu demandes à n'importe quel scientifique, c'est à la forme du crâne qu'on voit l'apparence. Allez, Abe. Mais tu vois, regarde, il a pas, tu sais, la petite boule là, parce que les noirs c'est l'asservissement, tu sais, le voilà dans c'est ça Django c'est le truc là, enfin, bref, ouais, exact, c'est n'importe quoi. Je sais, mais c'est la c'est une autre science, c'est la science de l'observation du crâne là, je sais pas, le taki-mixi, je sais plus quoi. Alors Élodie, en tout cas j'ai dit scandinave, t'as du sens scandinave, vas-y. Élodie, tu m'appelles Élodie. Mais oui, pardon, Perry. Agent P. Perrine. Personne n'a jamais su quel était son surnom. Quel est ton surnom, Perrine ? J'ai beaucoup de surnoms. Dans le milieu, on m'appelle... On m'appelle la poupée russe. On m'appelle Blue Ivy. Dans le Shogun de 9h à 10h les samedis soirs. C'est un peu un nom de stripteaseuse. Et c'est le nom et c'est le nom de la fille de Beyoncé et de... Ah, oui, bah... Elle a 5 ans, la pauvre. Ok, alors... Pardon, bah, du coup, Bilka a dit... Scandinave. Europe du Nord, Europe de l'Est. Ouais, Scandinave. Moi, je vais dire Sud-Ouest. Ah, elle vient du sud-ouest. Alors, Abe, t'as dit quelque chose, en fait ? Non, j'ai rien dit. Je réfléchis. Alors, moi, je vais donner ma version. C'est... pourquoi je demande le micro ? J'en ai un. moi, je vais dire Colombie. La. Ah, je me suis trahi. Allez, vas-y, révèle-nous la réponse. Donc, déjà, juste... Voilà, il y a Abe, si t'as envie de faire un pronostic ou pas. Hein. Vas-y, c'est ta dernière chance. 1, 2, 3. Allemagne. Ok, allez, vas-y. Ok. Alors, que Allemagne, ça rejoint le. Mais moi, c'est vrai que perso, si je devais ne pas rigoler, je dirais plutôt Europe de l'Est, en effet. Vas-y. Alors, pour l'histoire, juste avant de donner les résultats, je vais au moins dire genre où de ma famille, soi-disant, on vient genre en ce moment. Je suis en France, de plusieurs, pas beaucoup de générations, mais voilà. Et de côté de ma mère, Allemagne normalement, Lorraine, Moselle, tout ça. Donc en fait. Les traîtres, c'est ça. Il ressort les dossiers. On va lui faire des petits cours sur les malgré nous. Hein. Alors, ça me fait chier peut-être un peu donner raison à Bilka. Surprise que j'ai eue. Bon, déjà, je suis à. Ça te fait chier de me donner raison. Mais parce que tu gagnes tous les blind tests, tu vas pas commencer à gagner les blind tests de l'ADN. C'est moi qui gagne tous les blind tests. Les deux derniers, c'est toi. Pas tous en même temps, Il gagne les blind tests de l'ADN, putain. Donc non, je suis à 69% Europe du Nord et de l'Ouest, donc c'est pas du tout genre là où ma famille s'était imaginée. Et je suis donc à 37%, le taux le plus élevé chez moi, scandinave. 32% anglaise. Yeah. Ouais, mais c'est pareil. Ça restait très surprenant pour nous. Même allemand, hein, c'est en même temps, les Vikings et les Anglais, ils ont pas fait, ils étaient pas copains. Mais si, ils se sont établis. Hein. Il y a beaucoup de scandinaves. Ça reste des taux quand même surprenamment élevés en fait, pour passer dilué, on va dire, dans les générations. Pardon, pas tous en même temps. Et après, j'ai à 16% Iber. Ibérique, c'est Espagne. Ibérique, c'est-à-dire Espagne, Portugal, un peu le Maghreb, voilà, toute cette région autour dans la mer. Alors, je veux bien que tu fasses tourner ta main pour nous faire montrer, mais t'as le micro dans la main. J'ai plein de trucs dans la main, désolé. Voilà. Et après, ça se bat entre la Grèce et l'Italie. D'accord, mais alors, du coup, ma question est, quelle était ta réaction? Et notamment celle de ta famille, puisque tu l'as fait en famille, si je comprends bien. Ouais, oui, j'avais vu les résultats toute seule. J'avais un peu dit ça à mon frère par Messenger. Et après, j'ai attendu le week-end pour voir mes parents. Et en plus, petite coïncidence, c'était aussi le lendemain, enfin le dimanche même, c'était mon anniv en famille. Donc il y avait genre ma grand-mère et tout. D'accord. Et en vrai, moi je trouvais ça marrant, mais ça a quand même fait un petit quelque chose, parce que mon grand-père, qui est décédé, il avait toujours ce truc de dire, en gros, on vient des Vikings et tout, les Vikings et tout. Et donc ça m'a fait un petit... Oh, mon grand-père, il disait tout le temps ça. Mais il était aussi... pas fou alors. Tout le monde l'a rejeté. Non, mais c'est surtout que ça m'a enfin donné une vraie explication à ma peau de merde. Et on supporte très bien le froid, d'où les peaux claires, hein. Non. Non. Si. Je supporte aucune température. Voilà. Dans la nature, je serais morte à la naissance. Ah, je vais être à poil dans le froid, tout va bien, moi. Et est-ce que ça t'a du coup aidé aussi à être plus tolérante, sachant que tu ne l'étais pas du tout avant? Oui, exactement. J'ai complètement changé ma vie, j'ai quitté le Ku Klux Klan. Mais non, ça n'a rien changé. Enfin, non, c'est pas comme. Il y a certaines personnes qui se trouvent limite des excuses là-dedans en disant ah, bah maintenant, j'ai genre 1% de sang maghreb, alors du coup, ça. Je vais arrêter raciste, de tabasser. Ou pire, que c'est ma culture, un peu. Bah, non, en fait, ta culture, c'est celle avec laquelle t'as grandi. À la voilà, et puis, c'est pas un truc. Enfin, à la base, tu dois te rendre compte qu'on est tous. On vient tous des mêmes racines, en fait. Voilà, mais moi, personnellement, je savais très bien ça parce que je savais que ma famille, c'était le bordel. Et voilà, je le savais. Et je me suis jamais sentie genre 100% française ou ça ou machin. Mmh. J'étais juste, je suis le produit de tout ce qui s'est passé. Et voilà, et c'est cool. Mais on vient tous d'un super continent et qu'à la base. En plus, bordel, si tu veux, tu peux retracer tes origines à Gengis Khan assez facilement, vu comme il a. Mais je trouve que c'est une très belle démarche et je trouve ça con qu'en France, ce soit interdit. C'est comme si. Ce serait une période obscurantiste, quoi. C'est-à-dire qu'on oblitère la vérité, on a peur de la vérité. Non, mais en effet, elle a quand même dénodé quelque chose d'assez gênant, c'est-à-dire... C'est pas gênant. Mais non, mais en fait, légalement, en France, t'as pas le droit de faire des tests d'ADN pour tout ce qui est parenté. Un autre danger que j'ai pas dit, là, c'est qu'il y a un autre... Et là, ça pourrait malheureusement révéler ça. Alors, il y a trois types de tests ADN super populaires commercialisés. Il y a la généalogie. Il y a le côté genre santé, diète, en gros, soi-disant, on te donne un peu genre un plan de vie, genre qu'est-ce que tu bouffes, quel sport tu fais selon ton ADN. Et le plus dangereux, c'est en gros santé dans le sens qu'est-ce que tu vas développer comme maladie. C'est que c'est souvent pas très précis, qu'on dit souvent des conneries aux gens. Et pour faire court, en gros, il y a des gens qui... beau, c'est ça alors, c'est pas juste ça, c'est qu'il y a des gens qui ont fait résultat des chirurgies préventives. Aïe. Et pour ensuite se faire dire, en gros, non, t'avais jamais de danger, donc maintenant tu pourras jamais avoir d'enfant, ou voilà, des choses comme cons. Ça. Ouais. Et c'est terrible. Et bien sûr, c'est pas. Enfin, il n'y a pas de moyen d'attaquer qui que ce soit en justice. Enfin, voilà, c'est. Non, c'est très dangereux. Ouais. Même si j'ai fait ça, je suis totalement pour. Et surtout, alors en France, petite nuance aussi, je sais pas si vous savez, mais on a le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'on a le droit. Sur Internet. Sur Internet, tout ça, on a le droit de demander qu'on oublie nos informations. Donc, par exemple, ce genre, on est protégé de ce truc, des trucs d'ADN. On peut dire, même si le test a été fait dans un autre pays, je peux demander en tant que française, non, mais vous oubliez mes infos, par contre, elles ne seront plus dans votre database. Mais comment savoir qu'elles ont vraiment supprimé? Ils peuvent te dire, ouais, on a supprimé ça, mais. Il y a des cas où voilà, ça n'a pas été fait, mais les gens les ont attaqués en justice par la suite. Ok. Mais voilà. Ben, merci beaucoup, vraiment. C'était. Ouais, stylé, pour une fois, j'avais un truc. Ah, waouh, pour une fois, stylé. Pour une fois, on t'a écouté. Oh. Je trouve ça très, très bien. Alors, qui va enchaîner, s'il vous plaît? Alors, moi, je propose que ce soit Abe, parce que c'est aussi assez intéressant. Et je vais lancer son petit son pour lancer ça. Attention, allez, c'est parti. Very big galaxy which was suspected to host a supermassive black hole in the very center. 101 years ago, someone discovered a streak of light, which is plasma shooting out of the center of the Milky Way, marking the supermassive black hole. I never believed that this black hole was as big as people said, until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. Yeah, bravo, bravo, bravo. Alors, évidemment, si vous ne vivez pas dans une grotte ou dans le Poitou, vous avez vu cette image magnifique d'un trou noir, la première image réelle au monde d'un trou noir. Et effectivement, c'est pas la photo du trou noir, exactement. C'est la photo de la matière qui orbite autour. Alors, non, justement, je voudrais aborder ce sujet, parce qu'en fait, il y a tout un tas de... comment dire ? De calculs, etc., ouais, qui ont été faits en sorte de pouvoir capturer en fait une image. Oui. Mais donc le problème, c'est que de la radiographie, il me semble. Exactement. Je ne sais plus quelle technique a été utilisée. En gros, les objets ont été calibrés de telle sorte à obtenir un résultat. Mais donc du coup, les objets. Tu veux parler des télescopes, c'est ça ? De tout ce qu'ils ont utilisé. Mais en gros, du coup, ça veut dire que l'image qu'on a obtenue, elle n'est pas forcément à 100% correcte en fait. Bien sûr, elle n'est pas forcément non plus très très précise. Exactement. Elle est super floue. Ouais. Alors en fait, donc oui, c'est pour rappel, donc ils ont mis les forces en commun de 6 télescopes, il me semble, en tout cas dans de nombreux pays, ou 9, je ne sais plus. D'ailleurs, pour la prochaine image d'un trou noir qu'ils vont essayer de développer, ils vont demander un télescope français dans les Alpes rejoint l'aventure. Mais ça a demandé donc 3 ans de travail à de nombreux équipes de télescopes pour créer ce cliché. Et alors je sais plus c'est combien, c'est 5000 terabytes de données en fait, dans des disques durs qui étaient transportés en avion parce que c'était impossible de les envoyer en paroi de transfert. Et toute l'analyse de ces données a donné ce cliché. Surtout que je tiens à faire une petite parenthèse parce que je m'y connais un peu en physique appliquée. C'est juste qu'en fait, l'image qu'ils ont publiée, c'est une reconstitution de ce qu'on voit. Ce que leur appareil peuvent voir. Mais en fait, c'est une image complètement fausse parce qu'en fait, un trou noir, sa force de gravité est telle qu'en fait, elle absorbe la lumière et déforme. Bien sûr, oui, c'est ce que j'ai dit au tout début si tu avais écouté au lieu de ranger ton sac. Ah, pardon, alors... Exactement. En fait, pardon, ce que je dis, c'est que. Désolé. En fait, voilà, c'est ce que je voulais aborder, c'est que justement, les calculs qu'ils ont faits de base sont erronés. Puisqu'en En fait, ils l'ont modifié pour que nous, on perçoive quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, en gros, le fait même de modifier quelque chose en espérant avoir un tel résultat, du coup, c'est faussé dès le départ. Mais t'es quand même content ou pas, alors, dans les faits ? Oui, on voit quand même quelque chose. Oui, c'est non, clair. Mais je pense que c'est un grand pas aussi pour la science. Hein. Mais parce que, peu importe l'aspect esthétique de la photo, il y a quand même une chose incroyable, c'est que ça prouve que l'existence... Ça d'un objet céleste parmi les plus incroyables de l'existence. C'est le plus gros mystère de l'univers, en fait. Ça repose un peu sur ça. Il y a le Big Bang aussi, quand parmi même. Il ne faut pas déconner. Le plus lourd de l'univers, l'existence d'un objet le plus lourd de l'univers. Exactement. Pardon. Non, c'est vachement humain. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être vachement humain, mais c'est, peu importe les preuves que tu as, genre, ah, il se passe un truc là, clairement, machin, ça reste, genre, on veut le voir pour le croire. Quoi. C'est oui, genre, je pense que c'est les mêmes raisons qui poussent des gens à envoyer des astronautes dans sur d'autres planètes. Alors que par définition, c'est le truc que tu peux pas voir, le trou noir, officiellement. En effet, mais en fait, tu peux pas voir le trou noir, mais tu peux voir la matière qui orbite autour. Exactement. Tout à fait. Et qui, au bout d'un moment, passé le point d'horizon, n'est plus visible, puisque du coup, elle est absorbée et la force gravitationnelle est telle qu'il faudrait aller au-dessus de la vitesse de lumière pour s'en échapper. Mais or, rien ne va au-dessus de la vitesse de lumière. Ce qui est ouf, c'est que du coup, la gravité est en relation avec le temps. Bien sûr. Et donc, en fait, ce qui fait qu'un objet qui rentre à l'intérieur du temps, enfin, du trou noir, pardon, en fait, lui, le temps, pour lui, il s'écoule milliers de fois plus élevé que nous. Plus vite que, donc, en fait, nous, on ne voit pas le trou noir, parce que nous, c'est comme si que c'était en arrêt, en fait, sur image. C'est plus lentement, excuse-moi de te corriger, mais plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement, en fait. C'est-à-dire que même le temps entre tes pieds et ta tête s'écoule d'une manière différente. Ouais. Donc, c'est un truc de fou. Ils l'ont d'ailleurs calculé avec une horloge atomique dans un avion. La différence était notable. Entre 2 horloges atomiques, une à terre et une dans l'avion. Ouais, dans un trou noir, c'est tellement grand que. Voilà, c'est un truc la gravité de fou. En fait, est tellement nous, on forte, le voit sur. En fait, on voit même pas le début du trou noir, en fait. Mais, comme ça. Mais d'ailleurs, ce paradoxe temporel Et de la manière la plus incroyablement visuelle et, on va dire, intelligible, exprimée dans le film Interstellar, bien sûr, avec le fameux trou noir, ouais, Gargantua, qui, lui, a demandé un travail de, je sais plus, quelques années, de, en tout cas de simulation, avec un physicien très renommé, dont j'ai évidemment oublié le nom là tout de suite, mais et pour avant cette photo, c'était la seule représentation qu'on avait d'un trou noir, on va dire, la plus réaliste, puisque toutes les autres, comme celle de Gargantua dans Interstellar, étaient des visions d'artistes ou des visions de simulation faites par ordinateur. Mais en effet, comme tu le disais, ça confirme donc la théorie de la relativité de notre cher Einstein, qui lui-même au départ ne croyait même pas à l'existence des trous noirs. Il disait c'est un résultat mathématique, mais je ne pense même pas que ça existe. Ouais. Je disais que je pensais qu'il y avait aussi beaucoup d'autres adaptations de trous noirs dans des séries télévisées. Je pense à Stargate et à Doctor Who. Où il y a beaucoup de. J'aime bien, on dirait, tu sais. Je tiens à. Il y a aussi d'autres communautés, hein. Il n'y a pas que le trou noir de la galaxie C33, ok. Je me dis, bah non, c'est hors sujet maintenant. T'es passé sur la fin du sujet, bref. Mais non, mais je suis d'accord. Et c'est ça qui est, je trouve, fantastique, c'est que la science-fiction qu'on s'imagine est en train petit à petit de rejoindre la réalité, le champ des possibles presque. D'ailleurs, ça me rappelle juste, pas peut-être m'étonner ou un truc, mais j'avais vu un TED Talk hyper intéressant. Sur, en gros, c'était la science-fiction dans la science, genre comment la science-fiction elle a inspiré genre la quête de trucs qu'on pensait genre improbables, dont le voyage dans le temps. Et pendant cette conférence, ils parlent beaucoup du réel voyage dans le temps. Et je veux pas en dire trop, mais ils expliquent que ça existe techniquement. Bien sûr, en fait. Mais c'est super. Il y a plein de trucs comme ça. Quand je pense à le film Minority Report, quand tu vois Tom Cruise qui interagit avec un espèce de capteur au doigt d'écran tactile et tout. Ouais. Eh ben, là, il y a une entreprise. Ça a beaucoup influencé les films les technologies pour les écrans tactiles et tout. C'est ça, les technologies qu'on utilise aujourd'hui, les écrans tactiles et tout. Il y a même des entreprises qui ont développé le même truc exactement. C'est-à-dire que tu prends des gants avec des capteurs sur ton majeur, ton pouce et ton index, et tu interagis avec ton interface. C'est comme dans le film Minority Report. Ouais. Et puis on le voit comme chez SpaceX. Je sais, j'en parle à chaque spectacle. Ouais, grave putain, mais dis-nous combien ils te payent. j'en profite pour dire que Falcon Heavy a réussi son vol, sa mission Arabsat. Voilà. Ouais, et a atterri ses trois boosters, ce qui est 100%. Une première. Voilà, 100% de la mission a été réussi. Parce que évidemment les boosters, c'est une mission. L'atterrissage des boosters, c'est une mission complètement secondaire. C'est surtout le fait de faire décoller un putain de satellite de je sais pas combien de kilos, qui est trop bien. Et ce que je voulais dire par ça, c'est que quand tu vois l'imagerie qui renvoie SpaceX, c'est vraiment une imagerie de science-fiction, quoi, totalement. Et ils le disent, ils le répètent, ils l'assument complètement. Enfin, ils appellent leur personnage Ripley ou Starman et tout. Ouais, c'est un hommage. C'est vraiment un hommage à la science-fiction qui fait rêver les hommes qui finalement arrivent à faire des études dans l'astronomie, dans la physique, et puis bababoum. Ils ont essayé de ramener un côté vachement pop culture, pour intéresser les gens, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas si longtemps encore, l'intérêt dans la recherche spatiale était en train de descendre à grande vitesse. C'est ça. Hein. Et il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit « Ah, mais ça, c'est encore de la communication, c'est à la Elon Musk et tout. » Mais je me suis posé la question, mais à quoi servirait-elle cette communication? Parce que les clients de fusée, ils sont pas sur YouTube. c'est plutôt, justement, moi, je pense vraiment à ces enfants qui regardent ces vidéos, qui regardent une fusée envoyer une voiture dans l'espace et qui se disent « Ok, moi, je veux faire ces études, ça a l'air trop cool. » Et je pense, à ces hommes, à ces enfants, ces filles, ces garçons qui se disent « Oh putain, mais je vais faire des études dans les sciences, ça a l'air trop cool. » Bah oui, bah oui. Et, moi, je pense que c'est vraiment plus pour ça. Et c'est pour ça qu'on voit plein de caméras sur les fusées de SpaceX. Et heureusement, dans plein d'autres fusées, maintenant, ça commence vraiment à être à la mode. Et je suis heureux absolument de voir les millions de vues sur les vidéos SpaceX. Quoi. Je trouve ça fabuleux que ça réunisse autant de gens, quoi. C'est beau, putain. Parce que la science, je trouve, est, en tout cas, la collaboration scientifique. C'est la magie. La collaboration science bitch. Ouais, science bitch. La collaboration scientifique, je trouve que c'est très beau parce qu'on a l'exemple de cette photo de trou noir. Titre. Ça a réuni donc beaucoup de pays pacifiquement pour travailler ensemble et je pense que l'humanité peut vachement avancer grâce à ça. Voilà. Ouais, hey, ouais, putain, c'est beau. Franchement, j'ai envie d'applaudir. Bravo, bravo. Bravo. Allez, on va passer à un autre sujet. Si Abe, t'as rien d'autre à rajouter, pardon? Non, rien d'autre. Oh, ok, mais merci beaucoup. Je trouve que c'était un. On est tous les deux, comme on vous l'a déjà dit, très fans de Star Citizen. Yeah. Et on commence vraiment à kiffer l'espace Saras. On est impatients, bordel. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah oui, la 3.5. Petit message pour la 3.5, s'il vous plaît. C'est ça. Bah bon, on préfère attendre un peu si c'est plus stable. Ah, c'est exactement voilà. Ça. Donc ensuite, ce sera Bilka qui va nous parler de quelque chose, s'il vous plaît. Oui, n'est-ce pas? Alors, je vais lancer un petit son là pour t'introduire. C'est vrai. Eh oui, mais c'est comme ça. Moi, je suis généreux. Moi, je balance des choses. Il y a pas de souci. Balance. Il va nous parler de cet homme. Civilisation perdue. Aujourd'hui, nous allons voyager en Grèce, mais non pas pendant l'âge d'or de Sparte et Athènes, mais dans des temps beaucoup plus anciens. Voilà, c'est donc le petit frère de Bilka. Non, et qui est cet homme? Alors, le fameux Arcana. Alors, je tiens, je voulais présenter ce YouTuber. Attends, pardon, je te coupe juste. Je tiens à préciser qu'il l'a envoyé d'abord en messagerie dans le groupe et que moi, j'ai fait la blague, le Pokémon, et qu'il n'a pas compris. Si, j'ai compris. Or, Arcanin est un putain de Pokémon super stylé. Ouais, mais non. Vas-y, excuse-moi. Non, oui, voilà, donc c'est quand j'ai dit à, bien sûr, Jonas que j'allais faire sur Arcana, les mystères du monde, il a cru que c'était un Pokémon, voilà, comme il vient de le dire. En fait, non. Alors, Arcana, les mystères du monde, c'est une chaîne YouTube présentée par Ludovic Richet, qui fait des émissions très intéressantes et très interactives sur plusieurs thématiques. Il fait des thématiques sur les mystères du monde, les énigmes et mystères historiques et archéologiques, genre les pyramides, le triangle des Bermudes, les pyramides Inca, tout ce qu'il y a. Il fait aussi sur les mythologies du monde, sur les mythes et les légendes, et leur influence à travers le temps et à travers les cultures. Sur l'histoire abrégée, il raconte sur une période, un mouvement ou des personnages historiques, il fait des petites vidéos là-dessus. Et pour les plus geeks d'entre nous, il fait aussi des vidéos sur les sciences occultes, le symbolisme, la cabane, l'alchimie, la spiritualité, l'ésotérisme en général. Et aussi, c'est d'ailleurs la première vidéo que j'ai regardée de lui et qui m'a intéressé à lui, fiction versus histoire. Ah, il compare une œuvre fictionnelle, que ce soit en cinéma, en littérature, ou de la culture en général, et il la met en exergue avec l'inspiration première, véritable de notre monde, qui a inspiré la chose en elle-même. Donc on mettra sur la page Facebook Instagram sûr. Puisque Instagram apparemment grâce à l'agent P. Bien joué agent P. Mettra le lien de sa chaîne, je vous promets, moi qui étais un cancre toute ma vie en histoire, je vous jure je suis un collab maintenant grâce à lui, sans déconner. Et le mec quand il parle, c'est un vrai passionné. La bataille de Marignane, c'est un vrai passionné. Ouais. Le mec, c'est un vrai passionné. Je sais pas s'il écoutera cette émission, Ludovic Richet, mais je lui adresse vraiment ma salutation, mon plus grand respect et ma plus grande admiration. Parce que le mec, en fait, à la base, il fait vraiment ça par passion. Le gars, il était coach sportif et il est consultant chez SFR. Truc qui n'a rien à voir. Ouais. Il fait vraiment ça par passion et il a vraiment une pluridisciplinarité. Il s'intéresse à tout. Il s'intéresse à tout, il a fait une vidéo, en plus je le remercierai vraiment jamais assez pour la vidéo qu'il a fait sur la culture berbère. C'est pas par communautarisme que je dis ça, c'est parce que il dit des choses. Franchement, c'est la première fois que je vois officiellement quelque chose qui parle comme ça de ma culture. Ça m'a vraiment touché parce que moi, tout ce qu'il dit, je le savais des récits, des histoires et légendes que m'ont transmis ma mère, mes tantes, mes grands-mères et mes oncles, enfin toute ma famille en France comme en Algérie. Mais la vidéo qu'il a fait sur la culture berbère, elle est vraiment magnifique. Regardez-la si vous avez l'occasion. Et toutes ces vidéos en général sont absolument magnifiques et vraiment il y en a pour tous les goûts. Je le recommande vraiment. Ah, mais tu nous as donné juste une envie, c'est d'aller regarder ces vidéos. C'est ça. Et quand, de toute façon, on l'entend parler, il transpire la passion. Ouais. C'est-à-dire que même il si... la partage. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que même génial, si tu t'intéresses pas à l'époque des croisades ou quoi, mais dans sa voix, il parle vraiment de ça comme un passionné. Il fait des recherches. Et à chaque vidéo, à la fin, en crédit, il met toutes les bouquins, les sources dont il met tout ce qu'il a. Et franchement, la quantité de travail et de recherche que ça demande, franchement, Ludovic, tu as tout mon respect. Alors, le nom de sa chaîne, c'est Arcana, les mystères du monde. Ok. D'accord. C'est une chaîne YouTube. Ça fait 2 ans et demi que sa chaîne existe. Il a publié plus de 180 vidéos. Ouh. Et est-ce qu'il a un uTip ou quelque chose? Il a un Tipeee que j'ai pourriné. Je donne pas de fric d'habitude. Ouais. Je vous jure, ce mec, Ludovic, c'est pour toi. J'espère qu'il écoutera ce message. J'espère que tu écouteras ça parce que franchement, c'est... je me permets de vous tutoyer. Excusez-moi, monsieur. Le mec, il a cru que c'était son pote. Ouais, t'as cru quoi là? Non, mais son travail est absolument magnifique. Et il se permet de faire quelques lives aussi de temps en temps. Il fait les chroniques d'Arcana. Il fait des émissions live sur le thème de la Web TV. Pour le Nouvel An, il a fait une vidéo où il allait présenter ce qu'il allait faire cette année, des projets et tout. Mais vraiment, tu sens que c'est quelqu'un de très humble. Il fait pas. Je suis pas là à casser du sucre sur le dos des gens. Mais c'est pas un Norman ou un Cyprien à rester dans sa chambre à filmer le sandwich qui s'est préparé il y a 10 secondes et le mec il fait 10 millions de vues. Ah, mais faire rire, c'est un métier. C'est ton métier aussi, je te rappelle. Ouais, mais faire rire des moins de 14 ans, c'est pas un métier, c'est de la connerie. Oh. Non, mais en fait, ce mec est vraiment sincère et franchement, j'encourage vraiment les démarches comme ça. Il y a quelques minutes, Didi aussi m'avait recommandé un youtubeur qui fait à peu près la même chose. La minute d'histoire et mythologie. Et là, c'est plus basé, en fait. C'est, comparé à Arcana, c'est des vidéos beaucoup plus courtes, on va dire 5 minutes en moyenne. Et c'est vraiment des petits récapitulatifs, mais très intéressants, qui vous poussent après à aller chercher par vous-même plus loin les sujets. Et ça contient vraiment un peu de tout. Il y a autant, justement, des mythes berbères, des mythes asiatiques, des mythes américano, enfin tout ce qui est latino-américaine. Ça va plus loin que les mythes grecs. Il n'y a pas que ça du tout. C'est même, en fait, c'est un peu passé comme ça, vite fait. Mais en fait, je trouve ça fabuleux, moi, cette mouvance qui, je suis sûr, est née en grande partie grâce à des contenus de vulgarisation scientifique comme C'est pas sorcier, évidemment. Ah, bien sûr, hein, c'est notre génération, les gars. On verra tous. Oui, non, mais on a plein de gens à citer, de youtubeurs qui font un travail fabuleux. Il y a Charlie Danger, il y a... mais oui, elle est trop forte. Il y a le Vortex aussi, qui est une chaîne qui est YouTube qui a été créée avec plein de youtubeurs, justement, de vulgarisateurs scientifiques comme Dirty Biology, pardon ? Nota Bene en histoire, par exemple, en histoire, ou d'autres, Syllabus, enfin, il y en a tellement que c'est dur de tous les citer, malheureusement. D'ailleurs, en parlant du camion de C'est pas sorcier, SpaceX, ils veulent pas l'envoyer dans l'espace ? Ah oui, mais c'est... t'as dévié ! Ouais, t'as vu ? C'est beau. Ah, purée, ouais, Marcel, il l'aurait bien géré, en plus. Et puis, moi, personnellement, qui travaille dans le milieu de l'audiovisuel français, j'ai des blagounettes pour les jeunes de 14 ans. Non, je trouve que c'est une très belle utilisation de ce média qui est Internet. Tout simplement, on en a marre de voir des vidéos de chats qui durent 3 heures. Mais moi, j'adore les chats, c'est pas le problème. C'est, je veux dire, c'est... On veut pas savoir son historique Internet. Voilà, Internet fournit de conneries. Et là, on a un contenu. J'avais eu une discussion comme ça avec mes parents où, comme mon père plus que ma mère est très déconnecté d'Internet, il voit que le mal de ce qu'on voit à la téloche, machin. Ouais, bah ouais. Et ça me saoule parce que moi, à chaque fois, j'essaie de lui dire, mais tu te rends compte que c'est genre une... Enfin, tu sais, on parle les encyclopédies, tu vois, genre de nos parents, mais c'est des milliards d'encyclopédies en libre service. Et il y a des gens qui prennent la peine de te faire ça de manière en plus super pédagogique. Enfin, c'est le bon côté d'Internet et surtout en plus de français. Enfin, je sais pas, c'est cool aussi qu'on ait des chaînes. De ce que dit ton père, enfin, moi c'est pas. Bien sûr, sur Internet, il y a tout. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est par exemple, tu vois, sur YouTube, tu supprimes tous tes cookies, comme ça, il peut pas te suggérer des vidéos en rapport avec tes goûts. tu vois, tout ce qu'on te suggère, c'est soit des trucs de films du moment. La Terre est plate. Soit, voilà, non, soit c'est des films du moment, soit c'est de la musique de Beyoncé ou de je sais pas quoi, soit c'est Norman qui s'est fait un sandwich, soit c'est des vidéos de machin quoi. Soit c'est Thibaut in Shape. C'est ça, mais c'est pas des. Non, mais attends, j'ai... C'est pas des trucs éducatifs quoi. J'ai découvert que maintenant il y a aussi des chaînes YouTube qui parlent du drama des gens de YouTube. Enfin, genre, oui, enfin, ouais, c'est de la télé-réalité. Mais après, c'est terrible. Mais après. Il y a voilà. Par exemple à l'annonce de la photo du trou noir justement Hugo Lisoire qui se retrouve quatrième des tendances, donc je pense qu'aussi la oui, communauté des youtubeurs francophones Hugo Lisoire il parle de l'espace et de l'astronomie chaque semaine, enfin Hugo et son frère pardon, et du coup je pense que la communauté des youtubeurs de vulgarisation scientifique francophone ont une audience et ça marche. Mais là en fait l'exemple que tu cites c'est parce que c'est l'actualité, c'est la tendance du moment, c'est ponctuel. Est-ce que son succès perdurera? Le fait que les gens s'intéressent à ça parce que c'est l'actualité, tu vois. Je pense que les gens qui s'intéressent à ça tout le temps, mais ils sont abonnés à des chaînes comme ça et les gars ils loupent pas une vidéo. Mais je veux dire, le mec qui a 14 ans, il va sur YouTube, c'est pour voir. Voilà, mais c'est pour voir. Généralement, je vais citer ça parce que voilà. Que... On est en train de parler comme des vieux, je suis désolée. Mais non, mais sans déconner, les gars. Bilka parle comme un vieux, je répète. Il a toujours sa minute vieux. T'as pas tous en même temps. Non, parce que tu vois, ça fait très longtemps que je suis pas allée à l'école, hein, normal pour les enfants. Mais tu vois, je me demande, genre, je sais que généralement on a tendance à penser que ce que disent nos profs, c'est pas très cool. Mais je me demande s'il y a des profs, par exemple, genre, qui conseillent des chaînes YouTube. Genre, j'en suis persuadée. J'ai un ami qui est prof, oui. Lui, en tout cas, le fait. Ouais. Et il y a aussi des vidéos YouTube qui sont utilisées en cours. Ah ben bah moi, ouais. je regardais C'est pas sorcier aussi en cours. Donc, ouais, c'est l'évolution de ça. Il était une fois la vie en SVT. Et même C'est pas sorcier est allé sur YouTube aussi. C'est ouais, un média qui les a vus se faire accueillir. Donc, c'est maintenant l'esprit sorcier. Et énorme big up à eux et du coup à Fred continue à l'animer. Et c'est une équipe fabuleuse. Mais si vous ne le saviez pas, oui, le C'est pas sorcier existe toujours. Oui, bien sûr. Et Jamie et Fred et la petite voix et tout, ils s'entendent toujours super bien. Je vois tous mes petits cousins et tout. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est le monde de Jamie, ça passe sur la télé, c'est génial. Pardon. Attends. Excuse-moi. Laissons parler. Non, c'est juste que quand on était gamin, je sais pas si vous avez remarqué, mais les chaînes. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais quand on était gamin et tout, en fait, on se tapait des rediffs de trucs. On se rendait pas compte, mais qu'en fait on regardait des dessins animés ou des émissions d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Alors que je regarde maintenant, genre quand j'ai mes petits cousins et tout, ils regardent en fait des rediffs H24 en boucle des mêmes trucs de maintenant. Ouais. Et en fait, on leur montre plus du tout, genre c'est pas sorcier, trucs comme ça. Et comme en plus, ça existe plus vraiment ces genres d'émissions. Ils ont pas du tout accès à ça. Les dangers de Gulli qui passent constamment des programmes sans forcément faire attention aux tranches d'âge. Tu veux que je t'explique pourquoi? Ouais. Parce que je travaille dans l'individuel. Moi aussi. Parce que les enfants ne sont pas sur la télé, ils sont sur YouTube, vraiment. Ma cousine de 3 ans qui est genre qui sait tout manipuler le truc. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait le merde. Les enfants. Non, c'est pas ça. Le dans l'emploi du temps de télé, le créneau enfant ou alors les chaînes de jeunesse, machin quoi. En fait, ils balancent du flux pour occuper l'antenne, sans vraiment consistance, sans conscience, sans rien du tout. Les gamins, je les vois presque généralement tout le temps regarder du replay ou des trucs à la demande parce qu'en fait il y a juste plus de programme, il y a plus rien. Bah oui, simplement. Mais c'est vrai que c'est dommage. Oui, d'ailleurs, quand tu regardes à la télé, les trucs qui passent, les anges, les machins et tout, mais c'est un truc de ouf. Oui, mais ça, c'est pas pour les enfants. J'interviens juste sur un problème à l'heure actuelle, c'est que justement, les ados, quand t'es au collège, entre 13 et, je sais pas, 16 ans, un truc comme ça, ils regardent tous ça. Et ça te lave le cerveau. Il y a aussi une pression sociale du fait que si t'as pas regardé ça, tu peux pas suivre avec tes amis. Pour Game of Thrones. J'ai des groupes de potes qui regardent genre les princes, les machins, les trucs, genre de manière ironique. Mais en fait, elles parlent H24 de ça. De toute façon, t'as juste à dire qu'il s'est passé des conneries. Ce sera ce qui se sera passé. Tu vois, non, réellement, t'as juste à dire machin, il a couché ou il a frappé machin. C'est tout. On s'en fout. Bon, on a descendu perdu dans le sujet. Pour conclure, le trou noir du sujet là. On parlait de Ludovic, mais en tout cas, si je tenais à parler de ça, je tenais à parler de ça aussi, vraiment pour féliciter et remercier la démarche de Arcana. Je vais pas dire son prénom. Bah, sur sa chaîne YouTube, dans à propos, il y a marqué son nom, Ludovic Richer. Donc je En tout cas, tu le remercies personnellement. Je le remercie vraiment personnellement pour la démarche qu'il fait pour le succès de sa chaîne. Mais vraiment, vous avez vu le débat qu'on a eu. Je pense que vraiment, là, on a appuyé un sujet très sensible qu'on a en France, hein, c'est-à-dire la perte d'intérêt culturel. C'est-à-dire que Internet nous a donné accès à vraiment tout. Peut-être la faillite du système éducationnel. Non, je pense pas que c'est une question de système, parce que tu vois, Internet donne accès à tout, à vraiment tout. Que on est capable du meilleur comme du pire, mais surtout du pire malheureusement. Et bizarrement, je sais pas si c'est par inclinaison, tu vois, où on te suggère de la connerie ou quoi, mais comme ça naturellement, les jeunes enfants qui forgent leur esprit critique, normalement, vers l'adolescence, tu te forges ton esprit critique, bah, ça a tendance à tendre vers la connerie plutôt que vers la culture. En effet, l'algorithme YouTube et d'autres réseaux sociaux sont très très critiqués sur ça, notamment pour partager des publications haineuses ou des publications qui font du fake news. Des trucs viraux. Sans forcément agir. Et ça s'est réglé dernièrement par la justice avec la chaîne d'Alex Jones, qui est un très célèbre talk show en fait sur les fake news. Enfin, c'est-à-dire que lui propage des fake news constamment. C'est assez impressionnant. C'est le fameux mec qui hurlait. Les grenouilles, elles deviennent gays à cause de l'eau contaminée. Voilà, des trucs comme ça. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, complètement fou. La justice a réclamé à ce que YouTube et Facebook ou d'autres suppriment carrément les réseaux d'Alex Jones. Et ça pose la question de pourquoi eux réagissent pas non plus au contenu qu'ils proposent. Et donc, en effet. Je ne fais que poser la question, mais c'est vrai que c'est tout à fait critiqué de la part de nos chers amis et Google. Mais c'est vrai que, enfin, Bilka, tu parlais des enfants, etc., sur Internet. C'est encore toute une autre histoire, mais on en parlait récemment avec mon frère, où on parlait notamment genre l'éducation à l'école sur Internet. Enfin, c'est bon, quoi. Genre, les gamins, ils savent tous écrire des mails, ils savent faire des recherches, ils savent sauvegarder des documents. Moi, je pense que... Mais apprendre le code et tout aussi, ça, c'est sympa, c'est cool. Mais on devrait apprendre aussi juste la sécurité sur Internet aux gamins, savoir faire des recherches, à vérifier des informations, à se rendre compte de aussi juste genre leur existence sur Internet. Parce que pour beaucoup de ces gamins, maintenant qu'ils vont grandir, ils existent déjà sur Internet de par leurs parents. Parce que les parents, ils se rendent pas compte et ils s'en foutent un petit peu. Et donc ils mettent plein de photos, ils mettent des histoires genre « ma fille, il y a 3 jours, elle a fait ça, machin ». Et de se rendre compte jusqu'où ça va, en fait, une fois que tu mets une photo, un statut, un truc, enfin... On n'a plus la même image de soi-même, tu vois, Internet, bon après on est parti loin, hein, mais Internet renvoie vraiment une image différée de soi-même, tu as un contenu, tu as le besoin maladif de l'alimenter tout le temps, même si c'est de la connerie, regardez je mange un sandwich, ouais ok, regardez je bois de l'eau pétillante, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais en effet, c'est peut-être probablement surtout un esprit critique qu'il faut apprendre aux enfants. Et on en avait parlé dans l'émission sur terroristes du complot. Des personnes qui vont dans les écoles, comme la tronche en billets, qui ont créé aussi une chaîne YouTube, des professionnels qui viennent former les enfants aussi à savoir d'où viennent les sources, à essayer de comprendre pourquoi un journaliste fait ci, pourquoi un journaliste fait ça. Et c'est très intéressant, et je pense que chaque école devrait avoir un moment comme ça, ou même en cours d'éducation civique, si ça existe encore. Mais je crois que ça a été renommé. Des choses dans le genre. Mais j'espère qu'ils vont se rattraper vite, parce que le gouvernement est, de manière notoire, genre toujours très en retard sur l'actualité, parce que c'est beaucoup quand même de vieux monsieur qui s'y connaissent pas grand-chose. Internet, ça attend pas. Enfin, genre, c'est constamment en évolution, c'est dans le moment. Et tout ce qui a été créé ce matin est déjà périmé. Voilà, il faut qu'ils écoutent les plus jeunes et qu'ils connaissent ce truc, quoi. Donc attention, hein, vous en l'œil. Hein. Ouais. Je tiens juste à finir mon brol, toute petite phrase. Alors, à l'heure où vous le savez peut-être pas, mais à l'heure où nous enregistrons notre brol, dans quelques heures sera diffusée la dernière saison de Game of Thrones. Non. Et pour l'occasion, Arcana, les mystères du monde, a sorti une vidéo il y a 3 jours, donc 4 jours avant la sortie de Game of Thrones, une vidéo qui montre toutes les inspirations historiques et mythologiques de Game of Thrones dans une vidéo de 2h35. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Game of Thrones, les inspirations historiques et mythologiques. Et est-ce qu'il parle aussi des Belges que César lui-même a dit que c'était le plus fier et le plus brave des peuples ? Je ne sais pas parce que... Je ne sais pas parce que franchement, je m'intéresse à cette chaîne YouTube depuis plus d'un an. Okay. Mais je n'ai même pas tout vu encore parce que 180 vidéos. Et en moyenne, les vidéos les plus courtes font une 20aine de minutes. Les plus longues peuvent faire jusqu'à 2 et 3 heures. Et je vous promets qu'on ne se fait pas chez moi. À l'école, j'étais un cancre en histoire. Dès que la prof ouvrait le manuel, alors en 45, ah oui, c'est en 45, j'étais le premier à vouloir faire une connerie pour aller chez le CPE. J'étais le premier, j'étais vraiment un cancre. Là, je vous jure, c'est du pur bonheur. C'est du sucre. C'est moi, j'en profite pour faire une dédicace à mon prof d'histoire, le meilleur du monde, Monsieur Bugnard, qui était ce genre de prof d'histoire qui, lorsqu'il te parlait de quelque chose, te ramenait ensuite, par exemple, le papier d'assurance de qui date de Napoléon sur le sujet d'hier, des trucs comme ça. C'était absolument génial. Moi, mon prof d'histoire, il était plus à nous parler de trucs un peu genre communistes, tu vois, genre les lois et tout. Et après, à nous dire, vous trouvez ça normal? Génial. Bah, on va conclure sur ce sujet et on va passer une petite chanson très très sympa qui va nous faire enchaîner sur. Qu'est-ce qui se passe? Agent P, tu sembles trop blessé. Tard. D'accord, mais c'est trop tard. Le train est passé, tu l'as loupé. C'est trop tard et on va passer à quelque chose qui va te consoler, ne t'inquiète pas. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Oh yeah! Bonjour à tous, vous avez écouté Moderation de Florence and the Machine. Et pourquoi j'ai passé cette chanson? Parce que notre cher ami Abe, qui voulait aller aux toilettes et qui a raté son occasion, et notre cher ami Agent Perrine, et moi-même, votre serviteur, sommes allés à un concert. Mais lequel, mon cher ami? D'accord. Simplement, personne. Bon, vous vous en souvenez pas. Ça, alors, ça commence. On est donc allé au concert de Florence and the Machine à Bercy le 24 mars 2019, en de grâce. Yeah. Et je voulais avoir votre expérience. Perrine, vas-y, raconte-nous. Agent P. Agent P, oui, bah, personne ne sait quelle est son. Tout le monde le sait, sauf toi, en fait. Vas-y, vas-y. Voilà. C'était hyper cool. C'était hyper intense. On était quasiment devant. Les gens sont super sympas en général. Je sais pas, les gens sont hyper gentils, hyper sympas. On discutait avec un videur, parce que oui, nous on discute avec les agents de la sécurité. Je te le laisse ou pas? Oui, en fait, le videur, on lui a demandé alors ça va, ça s'est bien passé? Il a dit mais en fait, ouais, mais tous les soirs on aimerait bien que ce soit pareil, les gens. Vous êtes trop mignon. Vous êtes adorable. Mais ça, donc ça, c'est du côté public et sur scène. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça. Le décor, en fait, était super joli. Florence était magnifique. La musique était absolument géniale. Enfin, voilà, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments. Enfin, c'était tellement. Par exemple. Au tout début, tout simplement. Donc elle a commencé par je sais plus quelle chanson. Mais tu n'as pas la vidéo. En fait, elle avait. Oui, si. On a filmé le live, donc on fait un coucou à plein de gens qui nous ont supportés pendant que je tenais à bout de bras une caméra. 13 000 personnes. Didi. Juste une question pour vous trois. C'était quoi la chanson la plus mémorable de ce concert? Attends. On va peut-être demander d'abord son avis. Ouais. À Abe, et ensuite on répondra, je pense, à cette question. Vas-y, Abe. Alors moi, personnellement, j'avais jamais vu, du coup, en concert. J'avais écouté les albums. Et c'est vrai qu'il y a une énergie qui est quand même assez différente. Déjà, quand on regarde ses clips, etc., il y a déjà une super énergie qui est là. Mmh. Mais sur scène, ouais, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment à elle toute seule, elle dirige tout, en fait. C'est elle qui dirige le show, en fait. Donc elle a une présence sur scène, quoi. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je suis un culte, alors je ne sais pas du tout qui c'est. Florence. Ouais, oui. Non, mais enfin, ce qu'elle est, et non plus, et aussi quel genre de musique c'est. Alors, Florence and the Machine, c'est la musique qu'on vient de passer à l'instant. Ouais. C'est du rock indépendant. Voilà, c'est rock, du rock, pop, folk, pop, indie. Ouais, en tout cas, c'est donc une chanteuse anglaise. C'est un genre à part entière. Ah oui, j'avais compris que c'était la musique. Oui, je suis pas débile, je suis pas Didi. C'est donc une chanteuse anglaise qui s'appelle donc Florence Welch, et qui a un groupe avec elle qu'on appelle The Machine, d'où le nom Florence and the Machine. Yeah. Puisqu'à la base, elle a rencontré une fille qui s'appelle Isabella, et qu'on a surnommé Isabella Machine, et donc Florence and the Machine. Voilà, et c'est un groupe qui existe depuis 2008 à peu près, on va dire la core team depuis 2008, et ils ont sorti donc 4 albums. Et le dernier concert était, on va dire, sur le dernier album, donc qui s'appelle, attention. Pardon ? Waouh, bravo, bravo, voilà, c'est ça. I as hope, et qui est sorti il y a pas très très très longtemps, l'année dernière, voilà. Ça me fait rire personnellement parce que genre quelques jours avant, on est allé voir avec Julia Panic at the Disco, et je crois que l'album c'est High Hopes ou... Non, l'album c'est Pray for the Wicked. Voilà. Mais là, c'est la grosse chanson de l'album, c'est High Hopes, ouais, je crois. Mais c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Il y avait beaucoup trop de drapeaux gays, j'étais contente. Beaucoup trop. Oui, alors oui, bah oui, parce qu'il a essayé, de tous les porter sur lui-même, et d'accord. Il ressemblait juste à une énorme masse arc-en-ciel. Donc oui, c'est possible d'en avoir trop. Alors généralement, c'est pour les concerts de Florence, pour la saison dernière, puisque on va dire que chaque album a, on va dire, son univers. et du coup des performances sur scène un peu attachées à ça. Et ben la fois dernière, c'était tout le monde balançait un vêtement. Donc t'avais des soutiens-gorge, des t-shirts, des tout partout sur la scène, et elle les ramassait, elle s'amusait avec, elle les balançait. C'était marrant. Voilà. Donc c'était pas des drapeaux gays, mais c'est vrai que pendant le concert, en tout cas, elle a pas mal parlé, notamment donc de toxic masculinity et tout. Enfin de. Avec sa chanson Patricia. En effet, oui. Qui en est tout ma cas, berceuse du soir en ce moment. C'est une femme et un groupe qui est beaucoup beaucoup attaché à la tolérance et tout simplement comment dire à l'aide de chacun et tout. C'est quand même quelque chose de très chouette. C'est quand même une chanteuse qui a arrêté son qui s'est arrêtée en plein concert pour dire « Eh, vous deux, arrêtez de vous battre !» Enfin bref, c'est un genre d'exemple. Et, pas, c'est... À ce concert-là, hein, pas à ce concert-là. Pardon ? Mais c'est pas personne à ce concert-là de... qu'elle a dit d'arrêter aux gens de se battre. Pardon ? C'est pas à ce concert-là où on est allé qu'elle a dit à des gens d'arrêter de se battre. Non, à un concert, un autre, il y a Jonas quelques temps. Qui s'est emporté pendant le concert. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une personne et des spectateurs qui, comme le videur l'a dit, sont assez sympas, assez tous emportés par une volonté de être eux-mêmes et plutôt sympas, tolérants. C'est pour ça que souvent, c'est assez cool, en tout cas au niveau des spectateurs, d'avoir cette énergie-là. J'ai l'impression qu'elle est très engagée. Ce qu'elle fait, elle utilise de son influence ou de son autorité pour véhiculer des messages. Elle fait partie d'assaut ou quoi, non ? Son combat principal, elle, c'est le cancer des mineurs, en fait, des enfants. C'est quelque chose pour lequel elle se bat beaucoup. Comme et il y a d'ailleurs un concert absolument fantastique au Royal Albert Hall en Angleterre, qui est une salle de concert mythique. Qui a donné donc lieu à ce concert qui était pour récolter des fonds pour aider les personnes atteintes d'un cancer ça donne un concert magnifique, très émouvant et on sent que c'est vraiment une cause qui lui tient beaucoup beaucoup à cœur et très personnelle parce que elle va notamment dans les hôpitaux chanter avec des gens et tout, enfin bref. Tout ce genre de choses, mais je connais pas très très très très bien tout ça, mais ouais, voilà. C'est bien, elle a l'air d'être une personne très très très très bien, non, c'est bien. Nous te conseillons grandement sa musique. Donc revenons au concert, Didier avait posé une question, c'était quelle chanson vous avez marqué, même si vous connaissez pas forcément le titre, un moment si qui je vous me a rappelle, marqué, je crois c'est The Stars. Alors, les oui. étoiles. Oui, en fait il y a... Et alors pour les fans, je précise que c'est la chanson Cosmic Love, voilà. Ok. Et le truc qui était vraiment très très beau, c'est quand tout le monde allumait les flashs de téléphone. Exactement. Dans Bercy, c'était super beau. C'était magnifique. Vraiment, c'était très beau. Si je peux juste noter, c'est que les flashs maintenant, c'est tellement puissant. Genre, il y a une époque, on utilisait juste l'écran du téléphone. Ouais. Et maintenant, c'est tellement puissant qu'en fait, toute la salle, tu vois direct, tout est blanc. Et c'est encore pire, plus t'es dans des petites salles de concert, plus c'est genre, c'est des projos, quoi. Ouais. Mais là, du coup, ça faisait vraiment étoile, quoi. Oui, les flashs oui, blancs, exactement. C'était très très beau. C'est ouais, très joli. Merci, c'est hyper grand. Ça a une capacité de combien de personnes on avait vu ? Oh, 20 000. On était plus de 20 000. Ouais, plus à peu près. Je ouais, on c'est était à peu 22 près 500. Donc 20 un truc comme ça, on était 18 000, quelque chose comme ça. Près, mais ouais. C'était, on était bien placés, on était tout devant. Yes. Et on avait donc, on pouvait voir quand on se retournait toutes ces petites lumières de téléphone qui vraiment faisaient étoile. C'était très joli. Et toi, Périne ? C'est vrai qu'il y avait une chanson où elle avait demandé les lumières. Ouais. Et une chanson où elle avait fait sans qu'elle nous demande juste avant. Mm-hmm. Je sais plus laquelle c'était. Mais c'était aussi pareil. Ouais. Les lumières, enfin c'était vraiment magnifique cette espèce de cohésion où tout le monde a dit allez on sort les lumières, on montre qu'on est là. Mais c'est vrai que comme tu dis Julia, on l'a vite vu qu'on était. Que voilà, qu'on était beaucoup. Non, mais c'est juste que ça illumine beaucoup. D'un seul coup, la scène s'est retrouvée éclairée par une autre source de lumière. On se demandait pourquoi. Et puis c'était toutes les lumières. Là, tu te retournes et tu fais ah ouais, quand même. Ouais, il y a du monde. Ouais, c'est... Mais en effet, en tout cas, la chanteuse, donc Florence, est connue pour avoir une très très forte personnalité sur scène. Comme si elle se transformait, puisque dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui, à la base, n'est pas très sûr de soi et parle comme un petit chiot. C'est tout mignon. Elle me fait penser un peu à Matthew Shedid. C'est vrai qu'il a une voix très douce et sur scène devient fou. Exact. Et elle, vraiment, a un côté très sorcière, dans le sens le plus pur du terme. Elle a envoûté, quoi. Voilà, exactement. Mmh. Elle arrive à envoûter la scène. Avec ses épaules et tout, là. Ta, exactement, ta, ça, voilà. Vraiment cool. Elle arrive à donner le rythme, à prendre, attacher l'attention des spectateurs, et puis à donner quelque chose de violent, puis quelque chose de doux, à materner, et puis finalement, vraiment à nous emporter. Et... Le reproche que je pourrais peut-être faire à ce concert, c'est que son dernier album est quand même très intimiste et beaucoup de chansons qui ont été données à ce concert sortaient quand même de ce dernier album, I As Hope. Et donc, la sauce a mis quand même un peu plus de temps que d'habitude à monter. C'est-à-dire que c'était quand même très calme au début. Et alors qu'on est habitué à une effusion comme on avait pu avoir pendant l'album Ceremonials, où c'était carrément ça portait très très bien son nom, c'était une cérémonie comme si on se retrouvait tous autour d'un feu à danser, c'était un truc de malade. Et là il y avait quelque chose quand même de plus intimiste, et puis comme on l'a dit, des messages aussi auxquels on a été confrontés, genre aussi elle a parlé de l'Europe et tout, c'est des trucs comme ça quoi, un peu dans l'actualité. Téléphone aussi. Et à un moment elle a dit non mais tout le monde range son téléphone, ça suffit vos conneries, vous rangez tous vos téléphones. Ah oui. Et tout le monde l'a fait, en effet, enfin bon, il y a quelques réfractaires, mais... range ton truc là. Il y a toujours, évidemment, dans n'importe quel concert, il y a toujours les petits trucs qui nous énervent, même si les gens étaient extrêmement gentils, il y avait quand même moins de... Par exemple, il y a moins de mecs bourrés qui te font un pogo sans savoir pourquoi, alors que là, il n'y a même pas de chanson. Mais il y avait aussi un truc qui m'a toujours... énormément agacé dans un concert, et je crois que t'as toujours ça, c'est les gars qui sont devant, les gars ou les meufs, enfin bref, les personnes qui sont devant, mais tu vois, tout devant, ça demande quand même un effort d'être tout devant, de coller à la barrière, c'est-à-dire que tu dois attendre je sais pas combien d'heures pour dans la file et tout, dans le froid, machin, et t'as l'impression que les gens, ils s'en foutent, ils dansent pas, ils sautillent pas, ils répètent pas les paroles ni rien, ils sont là, genre, les bras croisés. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais cassez-vous, moi je vais être devant là. Donc voilà. Enfin, bref, de toute façon, tu mettras dans une petite description sur la page. En même temps, une petite description. Non, je mettrai surtout la vidéo YouTube que je me suis fait chier à filmer. Ah bah oui. Tu vois, tu critiques ces gens, mais chacun profite à sa manière. Moi j'avais vu une photo qui avait fait le buzz. En fait, c'est tu voyais tous les jeunes qui brandissaient leur appareil photo à une salle de concert. Ouais. Et en fait, la seule personne qui appréciait vraiment le moment, c'était une petite mémé devant sa barricade et qui regardait comme ça, sans téléphone, sans en fait l'usage même, tu vois, d'un tiers objet. Elle appréciait avec ses yeux et ses oreilles. Voilà. Mais moi, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup filmer le concert avec... En fait, je prends pas un téléphone ni rien, je prends vraiment un appareil photo fait pour quoi. C'est que je cadre même plus, je m'en fiche. C'est surtout pour le son, pour l'ambiance et permettre aux gens, finalement, de pas filmer avec leur téléphone en vertical et de profiter plus, quoi. Et... Ouais, j'allais dire, en fait, t'es le mec relou dans les concerts. Ah non, t'es le mec, derrière lui, et en fait, je pourrais voir la scène techniquement s'il baissait sa connerie. non, tout à fait que non, parce qu'on a réussi à. D'ailleurs, d'abord. Moi, il n'y a pas d'écran dans ta tronche, puisque je ferme mon clapet, donc il n'y a rien. Et puis, j'avais déjà aussi un 650D, donc j'avais quand même un boîtier d'appareil photo quand même pas mal. Donc, tu ne voyais rien. C'était, y avait en plus, pour le son, on avait un petit H1, un petit zoom qui était séparé. Donc, non, je gênais personne, sincèrement. Limite, un téléphone portable, ça dépend comment tu le tiens. Parce que si tu le tiens de la même manière, limite, je préfère un téléphone portable parce qu'au moins, je vois un peu le concert de par l'écran. Ah non, mais là vraiment, ça gênait pas du tout. La technique des petits, la technique des nains. Non, je suis moyenne. C'est ça. Jean-Pé est tout petit. Non, mais c'est vrai que c'est ma grosse haine. Je dis pas ça pour toi, mais ouais, la grosse haine des téléphone, c'est pas juste les gens pas dans le moment, c'est juste non, c'est genre en fait c'est relou, genre quand on n'est pas à la bonne taille, etc. Ça aide aussi. Hein, c'est vrai que ça aide. J'ai aussi connu ces situations où, en fait, bah, tu regardes les portables des gens parce que tu vois que dalle. Alors, il y a des. Mais je précise qu'il y a souvent des très grands écrans avec le retour du film, du concert, pardon. Quand on était à Panique, moi, c'était ça. C'est genre, si les gens voulaient bien le baisser, en fait, on le verrait. Moi, je préférais aussi le truc du s'il vous plaît, laissez les gens plus petits devant. Oui. Tout ça aussi. Oui. Genre, parce qu'en fait, c'est pas. Tu sais, ce qui me gênait, c'était pas ceux avec le portable. C'était les grandes perches. Les grandes perches qui se mettent devant toi. Non. En vrai, j'ai ma technique. À chaque fois, je vais voir les grands et je leur dis « Bonjour, excusez-moi, je pourrais passer devant vous ?» Ils me répondent « Parce que t'es petite ?»« Exactement, vas-y, passe. » Non, non, non. Quand tu leur dis ça, ils vont voir un vigile. « Petite fille, elle a perdu ses parents. » Ouais, ouais, la dernière fois, il y avait un mec justement qui était grand derrière moi et il utilisait un petit peu ma tête comme... accoudoir de son téléphone, des fois j'étais un peu genre, tu sais, à la limite, tu sais, genre me balancer sur mes pieds à la musique, genre non, je suis pas du tout en train de te pousser. Donc voilà, on répète le message, arrêtez avec vos téléphones, sérieusement. En plus, surtout que sur Twitter, le lendemain, il y a la photo d'un photographe professionnel qui est 10 fois meilleur que vous. Ouais, clairement, c'est pas que visible, votre photo en vertical. Ou votre vidéo en vertical. Ça me déprime. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce besoin maladif d'alimenter un contenu que tout le monde s'en fout, n'est-ce pas? Mais en tout cas, merci. C'était un concert, ouais. Je pense. Merci pour ton bras, la Jean-Pé. Et puis, merci à Florence. Ah, c'est Jonas, pardon. Merci Florence, merci. Merci Florence. Voilà, voilà. Florence. Non, c'était très très chouette. Oh, je me rappelle aussi pendant le concert, encore 5 minutes. Jonas a... 5 minutes. pendant le concert, pendant que Florence était en train de parler, il y a Jonas qui... Non, c'était entre deux chansons, Jonas qui hurle. Oui. I love you, Isa. I love you, Isa. Et puis elle l'a entendu vu qu'on était vachement proches et du coup elle lui a fait un cœur. Oh, après, c'est mignon. Et je lui ai fait aussi un cœur. Non, mais c'est vrai que il y a un côté très particulier avec, les artistes, notamment solo. C'est qu'ils sont un peu idolâtrés et tout, déifiés presque. Et moi ça me gêne toujours. Je trouve quand même que c'est un groupe. Ça a toujours été les mêmes personnes dans le groupe, le harpiste, le batteur, la claviériste. Enfin, et du coup, bon, j'aime quand même vraiment faire coucou aux musiciens parce qu'il le mérite vachement. Quoi. Batteur, il est excellent et le harpiste, c'est un dieu pour moi. Il est trop fort. Ouais. Et d'ailleurs, moi, ça donc voilà. Et puis c'est vrai, moi, je trouve que Isabella, elle est trop trop forte. Et puis j'aime tous les membres du groupe. Je trouve qu'ils sont très chouettes. Ouais. C'est beau ce que tu dis, parce que moi, quand j'étais petit, ben, j'ai commencé à 5 ans à apprendre un instrument. Et quand j'ai vu à quel point c'était dur, je disais à mes parents, mais pourquoi c'est le chanteur qui tout le monde... Ouais. Alors qu'il fait juste que chanter C'est dur le chant, hein, aussi. Apprendre, pas faire, mais apprendre l'instrument, c'est encore plus dur. Ouais. Après, Florence, c'est vrai que c'est un... aussi apprendre à chanter, en fait. Hein. Oui, mais c'est naturel. C'est un instrument, la voix. Oui. Ça se travaille beaucoup, le chant. C'est plus naturel. Déjà, juste apprendre à utiliser une autre interface que toi-même, déjà, ça prend du temps. Mais après, c'est vrai que Florence a un cas particulier, c'est-à-dire qu'elle elle compose, elle fait les paroles, tout, de A à Z, et elle l'a toujours dit, il y a moi et le groupe. Voilà, c'est une artiste solo avec un groupe. Ouais, mais c'est beau. C'est toujours les mêmes, c'est ça toujours... Oui, ça a toujours été le même. Mais c'est assumé, quoi. C'est pas non plus quelque chose de caché ou quoi. Genre, non, mais c'est cool. Non, elle bitch pas par rapport à ça, quoi. Donc, voilà. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. On va passer on va conclure avec le dernier brawl de notre chère amie Perrine. Oui. Et ensuite, on passera une petite chanson. Vous m'en direz des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles. De quoi vas-tu nous parler, ma chère? Alors, moi, je voulais vous parler tout à l'heure. Bilka a parlé de sciences occultes. Alors, je vais continuer sur le sujet en vous parlant de... Sabrina. Oh, Sabrina. Attends, j'espère que tu parles de cette magnifique série des années 90, n'est-ce pas? Avec Salem le chat. Avec Salem le chat qui veut gouverner le monde. C'est Minus et Cortex, mais en chat. Non. Ouais. Moi, je vous parle de The Chilling Adventure of Sabrina Spellman. Oui, qui est donc un remake. Qui est donc un remake, voilà. Une adaptation Netflix. Une adaptation Netflix qui en est donc à la saison 2 qui est sortie à peu près il y a une semaine, au moment où on enregistre ce brawl. Et qui donc... Ce podcast plutôt, parce que oui, on n'enregistre pas seulement ton brawl. Si. On attendait ce moment-là depuis le début du podcast. Vas-y, pardon. Du podcast, voyons. Bref. Et du coup, voilà, la saison 2 est sortie il y a à peu près une semaine. Et donc, voilà, c'était excellent. J'ai dévoré la saison 2. Alors, moi qui connais très bien... qui connaît parfaitement même la première série Sabrina, c'était une série, enfin le concept de la série, c'est une jeune femme qui quitte l'enfance, qui devient femme, qui découvre justement qu'elle est sorcière, du coup apprendre à devenir adulte. Adolescente, elle devient pas encore femme au départ, elle a 15 ans dans la saison 1. S'il vous plaît, ne discutons pas non plus de la généalogie. Elle a 15 ans dans la saison 1. En fait, Sabrina, à l'origine, c'est quand même un comics. Oui. Qui a commencé en 1962. Ça date. Ouais. Après, il y en a eu 11 adaptations, je crois, de séries télévisées animées, de séries télévisées tout court, de téléfilms, enfin des trucs. Il y en a eu énormément jusqu'à cette série Netflix. Moi j'en parle parce que générationnellement, ça avait marqué ma génération, la série, et je pense que c'était l'adaptation du comics de base qui a eu le plus de succès. C'est pour ça que je me permets d'en parler, bien sûr. Oui, c'est vrai. Vrai que beaucoup de gens étaient en train de bâcher sur la nouvelle série, justement, parce que Salem le chat ne parle pas. What the fuck? Non, ça, c'est pas grave, parce que en fait, la série des années 90 était basée comique et humoristique. Oui, voilà. Du coup, si j'ai pas vu la nouvelle, mais si elle a changé de ton et que c'est plus... Elle a dans énormément changé de ton. Ouais, c'est plus du teenage fantasy, quoi, à la Buffy, non? Non. À la Vampire Diaries, non? Non, c'est bien plus de l'horreur. Il y a quand même énormément de teenage, évidemment, mais c'est bien plus officiellement de l'horreur. Horreur vraiment? Ou c'est les épisodes qui sont interdits au moins de 10, moins de 12, ou ils American sont tout publics? American Horror Story ou... Non, pas American Horror Story. Ils sont tout publics, les épisodes. Mais il y a des moments qui sont franchement pas... Voilà. Tu parles de la série sur Netflix? Oui, je parle de la série sur Netflix. Ah, moi, je l'ai regardé et c'est pas du tout de l'horreur, je trouve. En fait, non, c'est censé être un truc qui est pas non plus teenage. Il y a certains épisodes où ça va amener peut-être un peu d'angoisse. Oui, voilà. Mais pour moi, c'est pas de l'horreur. Aux enfants de 2 à 3 ans. Comparé à la série justement dont Bilka parlait, ça a complètement un ton qui est complètement différent. C'est bien plus. Est-ce que c'est genre supernatural, tu vois? C'est pas de l'horreur, mais c'est de l'étrange, tu vois? C'est genre ça? Ouais. Et donc, pourquoi tu veux nous parler de cette série, alors? Parce que, juste parce que la saison 2 vient de sortir, il y a une semaine à peu près, du coup, que je l'ai déjà finie, que j'ai dévorée. Et voilà. Merci. Voilà. Et non, c'est du coup, parce que voilà, je voulais aussi en parler, parce que ça parle de sorcellerie. Mais c'est la sorcellerie vue par la Bible, vous voyez? Des démonisés par la Bible, donc c'est des biquettes démoniques, c'est ça, voilà, donc c'est les suppôts de Satan, tout ça, alors qu'au final la sorcellerie, ça existe depuis avant tout ce qui est catholicisme et tout ça, et voilà, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs au Puy du Fou, moi j'ai des vues, les sorcières, hein. Ces enfoirés. Non, mais c'est vrai que pour donner des points au moins à la série, on va dire entre guillemets, moi personnellement ça me botte pas, enfin genre j'ai tenté et ça me botte pas, mais beaucoup autour de cette table connaissent ma haine profonde des sequels, prequels, reboots en tout genre. Et je peux au moins apprécier qu'on tente de faire quelque chose de différent plutôt que juste resservir la soupe. Voilà. Yeah. C'est pas forcément au goût de tout le monde, tout mais voilà. Fidèle. Si vous aimiez la série d'avant, juste regardez la série d'avant. Enfin voilà. Et puis voilà, tout le monde a le droit. On peut tenter d'autres trucs. Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord. Hein. C'est pas parce qu'ils ont fait là que vas-y, ils ont refait, c'est même pas comme machin ou quoi. Non, je pensais pas que t'étais en train de dire c'est de la merde parce que c'est pas comme avant. C'est mais... contrairement à, je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière, ils ont fait un remake de la série Charmed. Oui, de la série Charmed. Et ça, pour le coup, hein, c'est vraiment. Je suis en train de parler avec l'accent juif. C'est vrai, la vérité, c'est vrai. Tata Hadji au centième l'a dit. C'est la même chose. C'est affligeant. Ils essaient de chercher des choses différentes. C'est pas avec des actrices beaucoup moins mignonnes en plus que celles de départ. Ça déplaît à Didi. Non, mais en fait, c'est surtout avec ces teenage en fait. Dans Charmed, elles étaient jeunes adultes, quoi. Elles avaient fin de vingtaine, début de trentaine. Là, les meufs dans Charmed, le remake, là, elles ont 15, 16 ans. Faut aussi qu'on arrête de se fourvoyer. Les années 90, c'était extrêmement particulier. Yeah. Et si on regarde, ne serait-ce que, je sais pas, genre, c'est parce que je regarde beaucoup et tout, mais les films de super-héros, c'est normal que le genre ait complètement changé. C'est parce que c'est juste les années ont passé, les goûts ont changé, on en a fait tellement qu'il fallait faire les choses différemment. Et si on essaie de faire genre, je sais pas, genre une comédie comme Maman j'ai raté l'avion maintenant, mais non, ça passe pas, ça, c'est juste complètement voilà, non mais c'est complètement ridicule. C'est, et maintenant c'est, il y a plein de films comme ça qu'on regardait qui étaient super sérieux où on était genre, wow, mon dieu, c'est tellement dramatique. On les aime toujours, mais on en rigole. C'est vrai que le... on pourrait pas refaire Sabrina comme avant. C'est ou vrai. C'est pour ça que le rôle de l'agent P est intéressant. C'est-à-dire que voilà comment créer du contenu nouveau. C'est vraiment son surnom, l'agent P. Non mais c'est pas possible. Non mais je l'appelle comme ça parce que l'agent ça, ça pas me possible. Plaît, l'agent P. Mais voilà. Moi, ça fait rire tout le monde. C'est l'agent P, mais moi, hors de l'émission, je l'appelle juste ma femme. Un Men in Black a décidé, bien voulu, aujourd'hui, être invité. C'est ça, grave. C'est l'agent B. Moi, c'est l'agent B. Non, mais c'est intéressant, ton rôle, parce que oui, voilà, comment créer quelque chose de nouveau avec un média qui s'inscrit dans une continuité, dans une saga déjà établie. Alors, si c'est un remake, forcément, ça doit plus ou moins prendre en compte ce qui a déjà été fait, oui, tout en proposant quelque chose de nouveau. C'est fidèle dans le sens où sa famille est toujours là, ses amis sont toujours là, ils ont toujours les mêmes noms. Et du coup, il y a le chat, mais tout en étant plutôt différent, en amenant un nouveau truc. Quoi. Ouais. Voilà. Et donc, ça te plaît beaucoup. Quoi. Et donc, ça me plaît beaucoup. D'accord. Voilà, je parlais juste. Merci beaucoup. Franchement, ouais, merci. Donc, tu nous invites tous à regarder Sabrina. Je vous invite à regarder, mais c'est vrai qu'à mon avis, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ce que j'accepterais totalement. Moi, j'aime beaucoup parce que l'ambiance me plaît beaucoup, je sais pas. Et il y a une actrice en particulier qui est fraîche. La tante Zelda. Non. Merde. Mais je la trouve qu'elle a énormément de charisme. Et ça. Elle est kawaii. Voilà. Bah, en tout cas, moi, je vous invite à tous écouter. Ah, pardon, je t'ai coupé la parole. Oui, encore mais une fois. Mais tu concluais sur qu'elle était kawaii. Non, j'allais dire le nom, en fait, de cette actrice. Ah. Dis-nous ce nom, c'est très important. Elle s'appelle Miranda Otto. Et savez-vous dans quel film elle a joué? Non. Dans Otto et le voyage tu... Non. Dans un film. Est-ce que c'est lié à la dans magie? Dans deux films, précisément. Dans Harry Potter? Non. Game of Thrones? Non. Dans un film, pardon. Non, je sais pas. Allez, dis-nous. Dans pas. Le Seigneur des Anneaux. D'accord, oh, super. C'est qui Éowyn. Oh, c'est l'amour de ma vie. Oui, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie, mais je connais pas son nom. Voilà, Éowyn. Ben merci voilà. Beaucoup, Perrine. Excuse-moi de t'avoir coupé de nombreuses fois cette soirée. Mais c'est n'est que juste justice par rapport à toutes les fois où tu nous l'as fait. Et donc, pardon, je vous invite tous. Oh, fight. Vite, enchaînement, Jonas. Voilà, vite. Et pour la paix dans le monde, on va donc s'inviter à écouter Likely, avec produit évidemment par notre cher ami Mark Ronson. I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line, looking for the wrong affection night after night. Trying to find a new distraction, wanna make it last all night. And all mixed up inside. When I get to call ya, and I'm gonna call ya. When ain't my feelings. When I get to call ya, and I'm gonna call ya. When ain't my feelings. On and on and on. Feel it on and on. On and on, on and on. When ain't my feelings. Make me psychotic, you pull away. You take the sane in me and tear it like a page. Write you erotic, and I know you wait before you answer just to make me go insane. My heart keeps pulling in the wrong direction. I'm about to cross that line. on vient d'écouter Mark Ronson et Lucky Lee. Après, donc, ça tombe bien parce qu'en plus, on va parler fantasy et notamment, bah, évidemment, Game of Thrones. Et ouais. Pendant la chanson, vous avez raté une guerre intestine où les liens se sont coupés et tout. C'est terrible. On a la moitié de l'équipe qui est morte. C'est les noces sanglantes. Bah, on a un game of micro, là. Voilà, game of micro. Je suis Adrien. Le fantôme de l'agent P. Je viendrai vous hanter. Vous en paix. Chaque phrase en paix, je serai là. Chaque mot en paix. Et donc, Mark Ronson, vous le connaissez, oui. C'est certainement. Oui, et Didi, je laisse la parole à Didi. Uptown Funk avec. Voilà, exactement, j'allais dire. Ce n'est pas la chanson de Bruno Mars, c'est la chanson de Mark Ronson. Exact. Merci, merci. Bruno Mars est en featuring. Exactement. Voilà. Donc, Mark Ronson, qui est certainement un des meilleurs producteurs de cette décennie, sans déconner, ce mec, voilà, j'ai la liste sous les yeux, Robbie Williams, Lily Allen, Amy Winehouse, Adele, Christina Aguilera, Maroon 5, Nate Dogg, Duran Duran, Lady Gaga, Kaiser Chiefs, voilà, et donc... c'était un secret. Oh. Mais c'était son premier porno, c'était pour ça. c'était l'expérimental. Voilà. Il y en avait deux. Alors, tu vois la mule. Oui. Et donc, voilà, et évidemment, donc, Uptown Funk, machin. Uptown Funk, yeah. Don't believe me, that's not right. Et c'était la carrière musicale. Et en fait, c'est comme Plastic Bertrand, c'était Bilka qui chantait, en fait. Il avait écrit Uptown Funk pour Bilka, à la base. Oui, c'est ça, mais j'ai refusé, j'étais pris. Il avait le tournage de Joséphine l'Ange Gardien. Je jouais Joséphine, sa doublure pour les cascades. Oh putain. Oh merde. C'était de la vraie fantaisie. On coupe ça là, c'est bon. C'était de la vraie fantaisie. Exactement. Oh, hey, enchaînement, nous allons donc parler, mes amis, d'Heroic Fantasy. Et j'aimerais bien une petite définition. Si on a un Larousse qui se balade, et qu'est-ce que c'est l'Heroic Fantasy? On a un roux. Est-ce que je peux... Alors, déjà, définissons le genre fantasy. Le genre fantasy est un univers ou un ensemble d'univers fictionnels où la magie, les monstres sont connus, c'est quelque chose de normal. Tu vois, il a pour opposer le fantastique. Le fantastique, c'est une progression plus ou moins soudaine vers la magie, le surnaturel. C'est-à-dire que le fantastique, c'est dans notre monde et le fantastique. Non, le fantastique, c'est l'inconnu de savoir. Alors, le micro, évidemment, en mode stand-up, je le rappelle. C'est ça. Merci. Le fantastique, en fait, c'est l'incertitude de savoir si c'est réel, oui, ou fantaisie. Oui, c'est ça. Et alors que ce soit réel ou pas, on ne sait pas, mais il y a une suspension de la crédulité. Exactement. Et c'est ça. Et oui, mais dans le cas où c'est magique, tu vois, le mec a de la magie, c'est que la magie, il est controversé par rapport à l'univers qui est censé être normal. La fantasy, c'est tout le contraire, c'est un univers merveilleux où la magie est chose commune, tu vois. Et donc la fantasy, si je ne m'abuse, la première personne à l'avoir écrite, c'est notre cher ami ultra raciste. Lequel? Moi? Non. Moi, Bilka? Lovecraft. Oui, n'est-ce pas? Ah non, pardon. Mais non, excusez-moi. Mille excuses. Oui. Mary Shelley, évidemment. Ah. Exactement. Frankenstein, le docteur Frankenstein. Ce n'est première pas, ce nouvelle n'est... fantastique de l'histoire de l'humanité. Ah oui, fantastique, oui, oui. Oui, okay, oui, non, oui, je parle oui, du oui. fantastique. Voilà. Oui, c'est et l'héroïque fantasy, oui. C'est plutôt notre cher ami. Alors, j'hésite, je sais pas si c'est Monsieur Seigneur des Anneaux ou si c'est Monsieur Conan le Barbare. Je sais pas qui est venu avant qui. Bah, après, des récits d'Heroic Fantasy, bah, j'ai envie de te dire, les héros de la mythologie grecque sont des héros d'Heroic Fantasy. Ouais, voilà. Donc, et puis déjà, voilà. Popol qui allait chercher le bison, c'était de l'Heroic Fantasy au final. Bah, c'est ça, en fait. Sur les grottes et tout. Et en plus, le sujet de ce brawl est vraiment très, très ciblé parce que Heroic Fantasy, il y a la notion. C'est plus un brawl, c'est un sujet. sujet ça, pardon, de cet épisode. Exactement. Pardon. Exactement. Fantasy, en fait, c'est l'univers, c'est les règles qui régissent l'univers. Et Heroic Fantasy, c'est du coup une quête héroïque, une quête initiatique qui s'inscrit dans ce monde. Du coup, on a tous les codes de la quête du héros. Donc, une personne... Rappelle-nous ce que c'est la quête du héros. C'est à la base la quête du héros, une théorie. C'est une théorie... comment dire écrite par un cinéaste pas un cinéaste en fait c'est des récits de l'antiquité en fait qui datent de l'antiquité grecque mais il y a un théoricien du cinéma qui a fait un ouvrage qui l'a mis sur papier quoi dans une explication plus contemporaine mais et qui explique basiquement que chaque histoire est toujours la même on a surtout des liens en commun, c'est-à-dire que le personnage, il lui manque quelque chose au début de l'histoire, quelque chose qu'il va acquérir ou quelque chose auquel il va devenir en réussissant ou en subissant des épreuves et sur son parcours. Et l'exemple le plus célèbre, c'est... Il y en a plein, je vais te dire, reste quand même Star Wars. Ah, je vais te citer Star Wars, oui. Bien sûr. Mais encore plus. Cite-le. Mais en fait, j'allais te citer la Bible, mais je cite Star Wars. Non, mais c'est vrai. Jésus. Merci pour pas avoir de problème, on va plutôt citer Star Wars. Okay. Mais non, mais en fait, Star Wars, c'est la Bible dans l'espace. Non, mais je te jure, Star Wars, c'est la Bible dans l'espace. Toutes les références bibliques et coraniques qu'il y a dedans sont incroyables. Regarde Luc qui le Père, le Fils, le Saint-Esprit mais parle-nous plutôt du héros. Oui, pardon. Anakin, l'Immaculée Conception, tout oui, ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Okay. Alors oui, pardon, on saurait qu'on a divergé. Donc le héros. Alors le héros, c'est effrayant de voir à quel point dans le Heroic Fantasy, dans la quête du héros en général, il y a vraiment une recette à appliquer. Ouais. C'est-à-dire que l'Oreo. Oh putain, j'ai une recette à appliquer. Non, c'est pour ça. T'inquiète, on va manger. Et manger, oui, mon précieux. Alors, le héros, normalement, hein, selon la recette, c'est que avant même qu'il soit héros, c'est-à-dire que avant sa création, sa conception, ou alors sa naissance, est mis en périple par des événements auxquels il affrontera à l'âge adulte. Ça, c'est indispensable. Il y a un élément déclencheur qui est lié à sa conception ou à sa naissance. D'accord. Ça, c'est de base. C'est obligatoire. Genre, c'est l'élu, des trucs comme ça. C'est l'élu, ou alors c'est deux tribus qui se détestent, mais son père et sa mère viennent de chacun d'eux, ils s'aiment, ils l'ont eu comme enfant. Par exemple, il y a la tribu du feu, la tribu de l'eau, ils se détestent, mais lui, il a les deux parce qu'il vient de parents, machin. Son existence se dérange parce que leur règne est injustifié, c'est possible d'avoir les deux, donc on veut le buter. Ça, c'est un parcours initiatique, la quête du héros. D'accord. Tu vois, de base, plein de trucs comme ça. Et Eragon, par exemple, c'est carrément ça, tu vois. Ou alors, tu as le déterminisme parental. Et ça, c'est commun à toutes les histoires de la pop culture, même si c'est pas de l'heroic fantasy. Par exemple, de Luke Skywalker, comme son père, on te prépare, on te tease un truc avec son père qui sera révélé plus tard. Papa. Et ça, Eragon, c'est un orphelin, il a rien de spécial, mais il a une maman issue. Maman n'est pas là. Donc, on sait pas ce que c'est, mais ce sera forcément quelque chose. Je sais pas, j'ai pas lu la suite, de coup, je sais pas. Vous voulez du spoil ou pas? Ah non, ne spoil pas, si, ça se trouve. Tu peux spoiler Eragon. Non, mais les films, oui, mais les bouquins sont bien. Ah oui, les bouquins sont cool. Ah, donc ne spoil pas. Par contre, le film, c'est vrai que... Oh mon Dieu. Ils étaient bourrés. Il est sympa. De toute façon, tu peux pas spoiler le film, il y en a eu qu'un, non? Oui, c'est ça. Donc, t'as pas la réponse dans le film. Non, mais il y a la réponse dans les livres. Mais pas dans le film. Non. Dans le film, on sait pas, donc... Oui, non, c'était tellement de la merde qu'ils ont arrêté de faire des films. C'est ça. Et heureusement pour les fans d'Eragon, limite. Ouais, moi, j'ai bien aimé, en tant que fan d'Eragon, j'ai bien aimé le film. Ah, merde. Donc, je suis l'une des seules à l'avoir bien aimé, en fait. Non, mais certains trucs étaient pas mal. Tu vois, en fait, moi qui... je citerai... Non. C'était de la merde, passons. Ouais, passons à autre chose. Donc, voilà. Après, il y a toujours le moment où la quête vient à lui, toujours de manière fortuite. C'est jamais son choix de la quête. C'est il y est contraint. Il est contraint soit par la perte d'un être cher, soit c'est parce qu'il est altruiste, il veut aider des gens dans la merde. D'accord, et donc ce schéma narratif et tout que vous pouvez aller voir, c'est absolument fou, parce que ça se retrouve dans plein de trucs. Ouais, bien sûr. Là donc c'est forcément lié donc, au monde fantaisiste, et donc à l'heroic fantasy, c'est vraiment le thème... Bah, disons que pour les premières quêtes de héros sont liées à la mythologie grecque, il y a forcément... En fait, dans la mythologie grecque, tous les héros sont confrontés à des monstres... Tandis des... que les auditeurs s'endorment. Eh oui, n'est-ce pas? Alors, la mythologie... Non, bah, non, en fait, donc, en fait on a juste donc décrit à peu près ce que c'était un monde d'heroic fantasy, c'est donc c'est rattaché en fait, c'est tout forcément c'est forcément lié à la magie surnaturelle, à la fantasy. Ok, donc l'univers, c'est de la magie. C'est et il y a un héros de, qui... qui voilà, navigue dans créé cet par univers. L'univers. C'est ça, parce qu'en fait, voilà. C'est vraiment l'histoire la plus primordiale du monde. C'est primitive, en fait, c'est... presque. Oui, voilà, parce qu'en fait, la quête du héros, c'est simplement un enfant qui devient adulte. Et en fait, ce qu'il affronte sur sa route, ce sont des monstres de la magie, des épreuves et tout, mais qui ont une signification pour la psychologie d'un enfant qui devient adulte. C'est-à-dire que, par exemple, le sphinx auquel il faut répondre une énigme, tu vois, c'est par exemple... Oui, Oedipe. Voilà, auquel il faut répondre une énigme. C'est en fait... Tu sais la raison pour laquelle t'as niqué ta mère. Eh oui, parce que je me suis crevé les yeux, connard. En fait, chaque monstre est représenté par un détracteur de la société humaine ou de la psychologie. Par exemple, chaque monstre, je sais plus c'était quoi, le Minotaure, c'était. Mais ça, c'est Thésée, ça. Non, mais en fait, ce que représente le Minotaure, tu vois, un monstre qui bouffe des enfants auxquels il faut donner quelque chose, c'est en fait, tu donnes tes enfants, tu donnes ton avenir, tu te soumets à un despote. C'est ça, l'allégorie du Minotaure. Et là, tout le monde est en train de se demander, mais c'est quoi le rapport à Game of Thrones, là? Je comprends pas. Non, pas avec Game of Thrones, mais chaque créature maléfique. Ah, non, laisse Didi parler. C'est surtout le Minotaure, moi j'ai jamais vu ça, je croyais que c'était juste non à la zoophilie, tu vois. C'était le message. Non, mais chaque monstre représente. Monstre représente une. Tu serais étonné par le nombre d'animaux avec lesquels il s'est transformé pour niquer notre cher Zeus. Hein. Ouais, c'est pas faux. Pas que d'ailleurs. C'est pas Zeus avec le Minotaure, si je me trompe pas. Non, c'est la femme de Minos. Oh bon alors. En tout cas. Elle a été envoûtée et elle va. Elle a couché avec un taureau en fait parce qu'elle a refusé je sais plus trop quoi. Enfin, de Kent, généralement. Voilà, généralement, voilà. C'est ça. Voilà, c'est une malédiction tout à fait normale à une fille qui vous dit non. Et donc, la mythologie grecque mise de côté, puisqu'on va, oui, on va parler surtout de l'heroic fantasy qu'on connaît surtout. Ma question ce soir, puisqu'on va parler d'heroic fantasy, c'est en quoi. Pourquoi, en mettant des aventures dans ces univers, et on va surtout parler en fait des univers, chacun autour de cette table, pourquoi ça nous plaît et pourquoi l'histoire est plus cool dans un univers fantastique d'Heroic Fantasy que, je sais pas, dans le 9-3 ou je sais pas où. Pourquoi, alors que ce serait, du coup, comme tu l'as dit, la même histoire. C'est ça. Donc, on va faire un petit tour d'œuvre. On va commencer par Perrine, qui voulait nous parler d'un univers un peu particulier, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait inconnu à absolument tout le monde autour de cette table. Oui. Le Seigneur des Anneaux. Mais bien sûr, on va commencer par la base. Je propose qu'on commence, on pose les bases du Seigneur des Anneaux. Donc, il y a... Donc, pourquoi cet univers, l'histoire qui pourrait, du coup, on l'a vu se passer dans n'importe quel univers. C'est ça. Puisque, apparemment, en fait, la magie... remplace la technologie d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr. Donc l'histoire pourrait se passer dans la SF, pourquoi elle se passe dans l'Heroic Fantasy. Donc pourquoi cette histoire t'a plu? Parce que c'était dans l'Heroic Fantasy. Parce que c'est l'Heroic Fantasy, puis c'est en même temps un côté historique que j'aime beaucoup. Puis il y a des. Comment dire? C'est aussi beaucoup une histoire d'homme, comment dire, en tant qu'être humain. Mais mêlé à tout ce qui est aux alentours, tout ce qui est force de la nature, tout ce qui est, par exemple, les Ents, qui sont juste une forme de la nature, et c'est juste des personnifications, au final. Mmh. Et c'est ultra intéressant de face-à-face, en fait. Mmh. C'est vrai ça. Que dans la... je parlais juste avant de la SF, l'environnement, la Terre, est plutôt prise comme juste... voilà, ça se passe ici, mais ça pourrait se passer là-bas. C'est ça. Et si on détruit une planète, bon, bah, on va autre part, quoi. C'est ça. Et en fait, pourquoi, du coup, les gens voient un parallèle avec nous, parce qu'il n'y a aucun lien différent, c'est parce qu'en fait, que c'est la société humaine, mais exagérée à l'extrême. C'est-à-dire que l'Océan des Anneaux, il y a différentes races. Des peuples qui... N'est-ce pas qui ont, non, mais... connard. des races qui ont des affinités ou alors des animosités entre elles. Et qui ont des énormes parallèles avec les peuples ou les ethnies actuelles ou passées qu'on connaît dans le monde réel. C'est ça, donc leurs différences sont vraiment très marquées parce qu'ils ont tous des physiques mais totalement différents les uns des autres. Ils ne s'aiment pas. Et la quête de ce film, c'est vraiment la tolérance et l'antiracisme. Et du coup, un gosse qui regarde ça et qui voit notre monde avec tes yeux d'enfant, qui dit « Ok, il y a des guerres là parce qu'ils ne s'aiment pas, mais pourquoi ?» Si des elfes et des nains ont réussi à s'entendre, ouais. Pourquoi eux, ils n'arrivent pas ? Non, mais c'est vrai, tout simplement. Et quelqu'un qui refuse de faire le bien par attraction par le mal, l'anneau qui est une force auquel personne ne peut lutter, mais quelques-uns, les héros qui n'ont rien d'exceptionnel, les hobbits, arrivent à lutter contre ça. Tu vois ? Donc, oui. Eux qui sont si faibles... Ouais. Moi, je peux y arriver, tu vois. Lutter contre la couronne. Mais c'est vrai, mais c'est ça. Ouais. Dit Galadriel, même la plus petite des personnes peut faire la plus grande des choses. C'est ça, c'est ça. La catharsis. Le plus petit des gilets jaunes peut réussir à créer des coups. C'est ça, la catharsis qu'on a quand on regarde une œuvre. C'est-à-dire que ça nous émeut parce qu'on voit un parallèle avec nous. Et ça nous permet de faire le bilan et de relativiser. Tu dis, mais putain, mais si eux, ils peuvent le faire, pourquoi pas moi ? Et c'est pour ça que dans l'Heroic Fantasy, donc t'inquiète, t'as bien cité le Seigneur des Anneaux, c'est qu'en fait, avant même de rentrer dans l'histoire, en fait, on a une scène d'exposition dans le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'on voit, grosso modo, le monde, voilà, il y a des peuples, il y a de la magie, il y a une guerre, il y a 3000 ans qui a eu lieu. Et l'histoire commence officiellement après la scène. Voilà, en paix. Voilà. Tu vois, des gens, ils font la fête tranquille. Ils sont pauvres, mais ils ont un lopin de terre. Ils sont heureux. C'est des vrais hédonistes. Et il y a une longue exposition où on te présente tranquillement. C'est des gens comme toi et moi. Voilà, il a faim, il fait une tartine. C'est con. Non, mais c'est con. Mais ça dure 2h30 sur la tartine. Hein. Non, mais c'est con, mais ça te permet de rentrer dedans. Et une fois que tu t'es attaché à ces personnages, que tu fais le parallèle entre eux et toi, tu vois, par exemple, tu vois différents hobbits. Il y en a un, il est sérieux, il y en a un, il est espiègle, il y en a un, il est con, il y en a un, il est gourmand. Forcément, dans les quatre, il y en a un qui te dit celui-là me ressemble. Non mais ouais, c'est clair que je sais pas, dans des groupes de potes, même des gens pas forcément genre super fans, ça arrive, c'est genre t'es pipin ou t'es machin, c'est limite, mais même les races, c'est limite, c'est les maisons c'est Poudlard, c'est genre c'est moi je suis un elfe, moi je suis un voilà, nain, c'est mon identité. Et d'ailleurs il y a eu des recherches sur Harry Potter qui montraient que tu avais beaucoup moins de chances d'être raciste si tu lisais Harry Potter, simplement oui, d'être intolérant, je pense, en tout cas oui d'être oui mais parce que ça amenait à sentir de l'empathie pour des races autres que la tienne et tout. Ouais, bien sûr. Et peut-être que donc, le Seigneur des Anneaux, je ne l'avais jamais vu forcément comme un postulat pour la paix dans le monde, mais... Ah oui, clairement, la salvation du Seigneur des Anneaux, c'est que pour vaincre le mal, et c'est pour ça que quand on dit le mal, il n'est pas personnifié. Tu vois, Sauron, c'est pas un mec qui a des désirs, des besoins. C'est le mal. Il ne mange pas, il ne dort pas comme les Nazgûl. C'est vraiment le mal. Ils se battent pas contre quelqu'un, ils se battent contre une idéologie. Et la seule façon de vaincre ça, c'est de vivre tous ensemble en paix et de combattre ensemble. Et de pas s'oublier. Enfin, il y a beaucoup ça qui revient. Et de pas quoi ? C'est le pouvoir de l'amitié, en fait. C'est ça, et de la tolérance, de l'entraide, de la compassion, de toutes les valeurs altruistes que tu peux trouver. Quoi. Quand je dis pas s'oublier, c'est un thème qui revient souvent dans Seigneur des Anneaux. C'est en gros ne pas genre sacrifier ses valeurs et juste ce qui fait que tu es toi pour atteindre, même si c'est vaincre le mal. À quoi bon vaincre le mal si sur le chemin t'as tué des gens? Donc la fin ne justifie pas les moyens. Quoi. Voilà, il y a un peu de ça. Oh. C'est ça. Et en fait, tu peux faire le parallèle avec tout dans ta vie. Tu vois, tu veux une promotion, mais tu veux pas sucer des machins pour y aller. Tu te fais bolosser. Non, mais je sais pas. Non, mais ça, tu peux le décliner. Tu veux faire deux petits dessins ou trois petits dessins? Non, mais plein de trucs. Tu te fais bolosser à l'école, tu te fais racketter, tu te fais persécuter parce que t'es homo, parce que t'es noir, parce que t'es juif, je sais pas quoi. Tu regardes l'Heroic Fantasy et le message est toujours le même. Un enfant qui devient adulte, qui apprend des valeurs, qui lutte contre le mal en général. C'est ça l'Heroic Fantasy. Voilà, on a fini l'émission, au revoir. Mais moi je parle donc, ouais, en effet, de l'univers. Et puis donc Didi et moi, on aime beaucoup l'univers de Dragon Age. Donc là on peut faire un parallèle avec le Seigneur des Anneaux par la multitude des races que ce monde abrite. Et qui prend dans les jeux vidéo, donc je rappelle Dragon Age, c'est un jeu vidéo de BioWare, qui sont très connus pour faire des jeux avec des choix très importants et tout. Et là, dans ce jeu, tu as le choix parfois de mettre en valeur une race ou une autre, ou de les faire s'associer plutôt que de les faire se séparer. Et tout ceci est très très intéressant. Enfin, je pense que dis-toi que pourquoi t'aimes cet univers plutôt qu'un autre, et pourquoi ce serait forcément la fantasy qui t'attire dans ce univers. C'est une bonne question. Je sais pas trop en fait comment répondre, dans le sens, la fantasy m'a toujours plus attirée que la SF. Oui. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que en fait je pourrais peut-être ancrer ça dans un contexte un peu historique. Il y a des trucs assez semblables à notre passif, en fait. Tu vois, il y a pas d'objet, comment dirais-je, on n'a pas de PC, c'est très archaïque, un peu. Et c'est un truc qui m'attire, finalement. Bah, peut-être que ce que tu préfères, c'est de tourner vers le passé, ouais, le futur, en gros. C'est quoi, ça, quoi. Voilà. Que, voilà. Et qu'en effet, aussi, quand on parle de narration... Réellement, ouais, je pense que ça, genre l'avenir, en fait, je le laisse... pour d'autres personnes. Moi, je vis le jour présent et je préfère en fait regarder comment le passé s'est déroulé. Et quand... Enfin, un petit retour aux sources, quoi. Voilà. C'est, ça. C'est vrai que quand on parle aussi de mise en scène, de narration, le fait qu'il n'y ait pas de radio ou de SMS pour dire « Hey, il y a le dragon qui arrive !» change beaucoup, ouais, aussi. Il y a cette histoire aussi de quête et de... En fait, tu marches et tu vas découvrir des choses au fur et à mesure. Et c'est aussi un truc qui peut t'arriver, en fait, dans The Witcher, un univers que j'aime beaucoup. T'as pas vraiment... Enfin, t'as des scénarios, mais c'est selon ce que tu vas faire. Des choix vont se présenter à toi, des quêtes vont se présenter à toi. Mais au départ, c'est juste toi, dans la nature, et tu fais un peu ce que tu veux. Enfin, tout c'est vraiment fait, un ouais. truc... Dans le cadre, en tout cas, de The Witcher d'aventure, 3, qui est le premier jeu ouvert. Oui, dans le The Witcher 3, parce que le 1 et le 2, c'est différent. On suit une narration très scriptée. Qui contenait tout de même beaucoup de choix, puisque tu avais vraiment des choix très importants. Mais oui, c'était mais un jeu d'action, donc pas un jeu en monde ouvert. Ouais, puis tu sentais quand même les choses arriver dans The Witcher 2. Et étant donné... Il y a aussi, voilà, si on connaît les livres, on connaît un peu aussi. Donc d'accord, même si c'est une adaptation. Oui, c'est des livres. Totalement c'est une adaptation libre. Du livre. En effet. Et alors, le jeu déteste les livres détestent le jeu. Et que pense-t-il des comics ? Nous n'en parlerons pas. Comics. Nous n'en parlerons pas. C'est assez marrant parce que c'est deux entités, en fait, qui sont séparées, qui peuvent être séparées, mais qui en même temps vivent. Parallèlement, très bien ensemble. Genre, les livres ont fait connaître le jeu et les jeux ont fait connaître les livres. Voilà. Même si son auteur crache sur les jeux vidéo. Les deux. Et qui s'est dit qu'il aurait pu gagner beaucoup plus de thunes grâce à ça. Si je peux faire une toute petite anecdote par rapport à, tu disais, mettre versus, en gros, fantasy versus science-fiction. Il y a une BD, alors ne me demandez pas trop de questions parce que je ne la connais pas bien, je l'ai offert à mon frère, mais ça s'appelle Green Valley. Si c'est certains connaissent ou pas non. du tout, voilà. Mais en gros, c'est une BD qui commence ancrée dans le médiéval, un peu légende arthurienne, qui va progressivement d'un coup tomber dans la fantasy, puis dans la science-fiction. C'est génial. Et c'est un mélange de genres un peu étrange. C'est un peu brutasse des fois. Hein. C'est pas très fin forcément comme histoire, mais c'est marrant et c'est des mélanges de genres comme ça. Ça me fait penser à Landfest des étoiles. Un petit peu, enfin voilà, okay. c'est des bons héros chevaliers de la table ronde qui vont se retrouver dans le voyage dans le temps, des dinosaures, et qu'est-ce qui se passe, mais c'est quoi ce bordel. Et voilà. Pour faire aussi un on a l'impression d'être à un Q&A où il faut se passer le micro. Attendez Je peux celui-là, mais... pour faire un petit parallèle avec la science-fiction et la fantasy aussi, c'est vrai qu'ils se distinguent en deux choses, c'est juste que la fantasy... Et la nature a toujours sa place. C'est-à-dire soit elle est verdoyante, soit elle est desséchée, elle est morte ou quoi. C'est le paysage et les animaux, le respect des animaux est toujours fait. En fait, l'homme sans magie, parce que le mec, voilà, il fait une tornade ou il crache du feu, machin. L'homme sans magie, c'est limite la créature la plus faible dans le milieu dans lequel il est. Il y a le respect de la nature. Contrairement à la science-fiction où, en fait, l'homme a dominé la nature. Ouais. En la transformant, en utilisant son intellect pour dominer la nature avec une technologie qui dépasse tout. Et en fait, c'est vraiment, je sais parce que je viens d'une culture qui l'a subi, c'est vraiment la domination, non, mais... c'est vraiment la domination du monothéisme par les religions animistes, tu vois. Tu ne respectes plus la nature, tu as dompté la nature, tu vois, et tu te mets au-dessus de la nature. Je me demande s'il n'y a pas une petite connexion aussi au fait que genre, la nature, elle n'est plus là, on ne la respecte plus. Peut-être, oui. Et que la science-fiction, c'est très souvent dystopique, en fait. C'est très souvent négatif. Et peut-être parce que la nature n'est plus là. Mais alors du coup, comme on va, on va en parler, c'est quoi le rôle de la nature dans Game of Thrones? Je comprends pas trop. Les loups, les loups. Non, les loups, bah, les dragons, dans, d'accord. Dans, dans ça, donc ça c'est très très important, il faut... La neige. Ah, la neige, genre neige. C'est important pour que les gens ils aient l'air beaux dans les voilà. En fait, de neige. En fait, c'est pas, voilà. Le, c'est pas le, comment dire, c'est pas le, dans Game of Thrones, c'est pas la dichotomie entre la nature qui s'égare et la technologie. Ouais. C'est juste, on perd nos valeurs morales pour l'avidité. C'est-à-dire qu'en fait, Game of Thrones, juste à, pas Essos, juste à Westeros, tu as Port-Réal qui a plus d'un million de personnes à Port-Réal. C'est toute la population de tout le nord qui est la moitié du pays. Et en fait, tout le reste de Westeros, le reste de Westeros, je me suis dit, hein, tout le reste de Westeros, notamment le nord, c'est des gens qui ont des valeurs simples, tu vois, ils ont l'honneur de Ned Stark, ils peuvent pas mentir, parce qu'ils connaissent la dure réalité de la vie, tu vois, il y a des gosses qui meurent parce qu'il fait froid, ils ont pas assez de bouffe pour être nourris, ils meurent, alors qu'à Port-Réal, ils sont dans l'opulence. Et Tyrion et le maître Aemon, le maître de la garde de nuit, qui est un Targaryen, qui a vécu à Port-Réal toute sa vie, il dit Port-Réal, c'est tous des menteurs, cette ville pue la merde. C'est dit... Babylone, en fait, non, mais cette ville pue la merde, cette phrase, parce que je me suis refait là, en prévision de la 8, cette ville pue la merde est dit au moins 3 fois chaque saison. Quand il parle de Port-Réal, c'est en fait c'est l'homme a perdu sa nature, tu vois. Donc ça, en fait, c'est Paris contre le centre de la France. C'est ça. Non mais limite c'est ça. Et en fait les marcheurs blancs. C'est une allégorie gilet jaune. C'est ça. Et en fait les marcheurs blancs qui arrivent pour citer. C'est les CRS. Les marcheurs blancs qui arrivent, c'est pour citer Galadriel dans le Seigneur des Anneaux. Certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent oubliées. Oh. L'histoire devient une légende. La légende devient petite moustache. C'est ça. C'est en fait c'est à dire que regarde les gens du Nord, dans Game of Thrones, c'est les gens les plus proches de la nature, ils ont gardé ce folklore. Certains pensent que les marcheurs blancs existent. Mais ça, c'est un aspect intéressant de Game of Thrones, c'est que pour nous, regarder Game of Thrones, c'est genre, ah, c'est un peu fantastique, tout ça. Mais même eux, dans leur propre histoire, ils sont en mode cause de dragon, n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils sont très intelligents dans la série. La scène d'exposition de Game of Thrones, c'est pas les personnages directement, comme le Seigneur des Anneaux. On voit des patrouilleurs qui vont au-delà du mur. Ils ont vu un carnage, des gens se faire mutiler et faire des symboles bizarres. Et on voit des morts qui renaissent à la vie. C'est-à-dire que, spectateur, les 10 premières minutes de Game of Thrones, voilà, il y a des morts vivants. Voilà. Okay. Fais ce que tu veux de ça, tu le gardes dans un coin de ta tête, machin, et là, on te montre les personnages, les intrigues politiques, machin ou quoi, et il y en a, ils ont oublié qu'il y avait ça au début. Ils se sont rappelés juste quand ils ont vu, à la fin de la saison 1, « Oh, il y a des dragons, ça veut dire qu'il y a de la magie !» Mais gros, dans les 10 premières minutes, t'as vu des morts vivants. Donc tu vois ? Et en fait, le spectateur est vraiment dans la thématique de Game of Thrones. On en oublie nos valeurs, notre identité culturelle, mythologique, religieuse, tout ce qu'il y a, en dépit de l'avidité, les 7 péchés capitaux, l'avidité, la gourmandise, la fierté, machin ou quoi. Ils se battent pour l'argent, ils se battent pour la grandeur de leur maison, donc l'orgueil, et ils en oublient l'essentiel. Donc voilà, c'est pour ça que si ça se passe dans un univers héroïque fantasy, c'est cool. Ça passait dans un c'est autre ça. Temps... En fait, c'est juste que chaque chose, positif ou négatif, est représentée par une créature, de la magie ou un lieu magique. Donc en fait, Game of Thrones, si ça se passait dans une autre époque, ces dangers seraient représentés, ou ces trucs positifs seraient représentés par d'autres choses. Par exemple, les marcheurs blancs, ça pourrait être donc les nazis, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est... Et alors... d'autres trucs, les dragons, la bombe atomique, des choses comme ça. Ouais, si je fais le parallèle. Exactement, c'est parce que Daenerys, elle arrive à Westeros, et elle a dit, je lâche mes dragons, le game, il est fini, c'est moi la reine. Okay. Tout le monde lui dit, ne fais pas ça, tu vas cramer des gens, tu vas détruire des millions de personnes. C'est exactement ça, c'est la bombe atomique. C'est exactement ça. Et ouais, c'est pour ça que c'est profond. Vas-y, Didi. Non, mais en fait, j'ai une question en fait sur l'heroic fantasy aussi. Est-ce que Avatar fait partie de l'heroic fantasy? Lequel? Le dernier maître de l'air. Oui. Le dernier maître de l'air. Oui. Et la légende de Korra aussi. C'est dans le même univers. La légende de Korra, oui. L'histoire, le monde, mais pas la thématique. Ouais, parce qu'en fait, ça, c'est aussi un univers qui m'avait beaucoup plu. Surtout, en particulier, la légende de Korra, parce que, tu vois, il y a le côté, en fait, cet être surhumain, super puissant, qui doit se remettre en question dans un univers qui évolue et qui, en même temps, c'est de l'industrialisation, elle se rend compte... Hein. Bah, tu vois, genre, au départ, donc, t'as Avatar, le dernier maître de l'air, c'est très précaire. C'est un peu genre... Ils réussissent à vivre surtout par leur... c'est pas des pouvoirs, enfin... C'est leur maîtrise, en fait, c'est vraiment la maîtrise qui les aide un peu la dans leur quotidien. La maîtrise de quoi? La maîtrise des quatre éléments. Des quatre éléments, voilà. C'est vraiment ça qui va les aider. Il y en a qui connaissent pas, peut-être. Ah, on a déjà fait, en fait, un épisode dessus. Okay. Ouais, c'est pour et ça. Je m'en rappelle ouais. que trop bien. Voilà. C'est pour ça, en fait, je vais pas trop en détail, mais c'est vrai que la légende de Korra m'avait particulièrement plu pour, en fait, cette remise en question de cet être, en fait, surhumain qui, dans notre monde, en fait, qui évolue, et elle se rend compte en même temps que, finalement, on n'a plus besoin d'un dieu tout puissant. On peut vivre par nous-mêmes, tu vois, on va dire, les civils un peu normaux. En gros, ouais, c'est la nature qui est petit à petit oubliée. Et remplacée par la technologie. Oui et non, en fait. C'est ça qui est assez marrant. Il va y avoir une dualité qui va se dérouler. Non, en fait, vous avez toutes les deux raisons. En fait, c'est pas la nature qui se passe, c'est la nature qui devient moins importante parce que l'homme a fait les technologies, dont la nature. Dans chaque saison de Korra, que je pense que t'as bien kiffé, on voit pas, jusqu'alors, on voyait l'avatar évoluer partout dans le monde, dans des lieux naturels où il pouvait déchaîner ses pouvoirs et pas tuer des gens. Alors que dans une population où t'as 5 pecno centimètres carrés, tu bouges le moindre rocher, t'as buté un immeuble. Et y a les avancées technologiques ont fait que, ils le disent, hein, ceux qui n'ont pas de pouvoir, avec la technologie, tu as les mêmes pouvoirs, voire même plus. Donc, ce qui on avait déifié avant, ne l'est plus. Et à chaque saison, on remet en cause l'avatar. C'est-à-dire qu'à chaque saison, on lui dit on n'a plus besoin de toi. Parce qu'on n'a plus besoin de toi, on sait se démerder tout seul. Après, je pense aussi que, si on est sur le sujet de l'avatar, tout ça, non, mais c'est qu'il y a aussi une notion quand même plutôt politique à l'avatar. Enfin, c'est pas juste pour moi la nature, etc. En tout cas, moi, je l'avais ressenti. C'est juste, genre, sa place dans la société. À une époque où, en gros, il y avait, genre, un grand méchant, un dictateur, un empire qui opprimait les gens. Et là, on se retrouve avec plus un président, des maires, des politiques, des choses qui sont mal, mais en fait, les gens sont d'accord avec, mais c'est pas bien, mais c'est beaucoup plus gris, en fait. Et c'est pour ça qu'elle s'y retrouve pas, en fait, quoi. Entre autres, c'est qu'elle est tellement un peu butée, bornée, et noir-blanc, etc., et aussi l'envie d'être un héros, que elle s'y retrouve pas, en fait. Genre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc là, dans cet univers, c'est le rapport entre le changement et l'arrivée de la technologie, c'est ça. C'est ouais. presque un mélange entre l'heroic fantasy et la SF. Voilà, si je peux juste... Du coup, je me rappelle que vers la fin, elle libère les esprits, en fait, pour que le monde... Oula, c'est spoil. Oui, avant, mais... annonçant. Ça date, hein. Oh, c'est bon. Ça date, c'est bon. Je l'avais pas vu. Sans micro, c'est plus compliqué. Là, c'est vraiment, du coup, la nature qui reprend le dessus. Mais c'est ça, ou alors, je pensais justement... on parlait justement des technologies, de Internet, tout ça, qu'on n'arrive pas trop à contrôler. En fait, c'est cette reconnexion, du coup, après les technologies, la reconnexion avec soi-même, avec l'individu, avec les esprits, avec soi-même intérieurement. C'est ça. C'est à ça que sert l'avatar, c'est ça. À la fin de Korra. C'est ça. Et en fait, quand même fait utile, que, au final. Le fait qu'elle puisse le faire, en fait, juste d'un claquement de doigts, c'est juste, en fait, une... Pour vous dire qu'en fait, c'est pas un problème physique, tu vois, c'est pas genre il nous faut ça, c'est juste une prise de conscience. C'est pour ça que dans la série c'est mis en scène, juste parce que elle peut juste faire ça, claquement des doigts, elle relie la nature avec tout le monde. Et en fait, c'est juste pour dire, c'est juste une attitude à avoir, ça demande pas grand chose. Donc en fait, en conclusion, on vient de découvrir que l'heroic fantasy, c'est un gros truc de babos. Mais non, il y a plein de choses, il n'y a pas que ça. On va passer à nos autres petits quiz, puisque le temps passe. C'est quoi le truc de babos? Babos, tu sais, hippie. Et puis juste après, il y a eu les mecs qui font des bolas sur la rue, dans la rue et tout. Ils cassent tous les frères. Voilà, Babylone. Et moi, j'ai fait des bolas cool. enflammées. Et du coup, je ne critique absolument personne. Je dis juste que c'est bien la paix dans le monde et tout le bazar. Et c'est pour ça que, pour compenser, avant de passer à notre petite quiz traditionnelle, parce que maintenant, j'en fais à chaque fois au dernier moment, on va passer Billie Eilish, qui fait un tabac avec donc Bad Guy. Oh yeah. Creeping around like no girls think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Et on a écouté donc Billie Eilish qui enfin que je trouve incroyable. Voilà, c'est on a écouté donc Bad Guy de Billie Eilish qui a 17 ans et mais qui non. est en train oh. de littéralement défoncer le game. Mais je faisais quoi à 17 ans? Le mec qui passe le bac. Non mais c'est une fille du coup qui a vraiment son identité, son sa manière d'être, sa manière de chanter, sa manière de créer et qui fait des trucs vraiment cool, quoi, qui t'as l'impression qu'elle a besoin de personne, enfin qu'elle se débrouille très très bien, c'est génial. Ça fait combien de temps en fait qu'elle est, parce que j'ai vu un peu sur internet, elle commence à sur les internets, sur les internets, voilà, elle fait un peu le buzz, mais en fait ça fait, elle fait de la musique depuis combien de temps, parce que c'est la première fois que j'entends une de ses musiques. Mais j'ai l'impression que depuis, je ne savais pas qu'elle était chanteuse. 2007, elle fait de la musique, enfin c'est. C'est depuis il n'y a pas très très très longtemps, quoi. Il y a des 2017, gens qui mettent du 2017, temps à percer. 2007 ou 2017, ouais. 2017, pardon, okay. J'ai confondu. Ah oui. Ah non, quand même. Voilà, même un peu plus tôt, 2016, elle publie déjà des trucs sur SoundCloud. Donc bon, on va dire que depuis qu'elle est bébé, elle fait de la musique. Bah. Non, c'est impressionnant ce qu'elle fait et ce qu'elle arrive à... Enfin, elle arrive à vraiment à trouver un public qui la suit. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'elle elle dit notamment qu'elle... mince, j'ai oublié le terme. En fait, c'est un terme qui dit que tu associes, par exemple, des nombres à des couleurs. Merci. Répète à tout le monde. Répète à tout le monde, pardon. La synesthésie. Voilà, donc c'est le fait d'associer donc, des sensations, des couleurs ou des odeurs même. En fait, je crois que ça se définit par genre, le mélange de sens. C'est-à-dire, en gros, genre, ton sens de la vue se mélange à celle de ton ouïe. Donc, voilà. Tu vois de la musique, enfin, voilà, des choses comme ça. Voilà, voilà. Et t'as plein de personnes qui le ressentent. Oui. Vive les champis. Vive quoi ? Les champis. Ah, les champis. Une expérience à partager. Une expérience à partager tous avec nos enfants. Mais il faut savoir que. Moi, il y avait un pot de Nutella avec des champis chez moi quand j'étais petit. Ah, bref, c'est la Belgique. Ouais. Hein. Pardon ? On va savoir. Oui, la psilocybine, ce qu'on retrouve dans la chanson des Billy the Kids. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Moi. Et donc non, cette synesthésie donc fait que elle en a une apparemment très forte et elle l'exprime avec quand même des couleurs assez fortes dans ses clips et tout, et notamment dans une expo qu'elle a faite où chaque chanson est une pièce, et c'est assez rigolo de voir ça. Voilà, je vous conseille d'aller voir son Instagram d'ailleurs, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Cool. J'ai juste une question sur la synesthésie. C'est quoi ? C'est genre les sens qui se mélangent involontairement ou c'est volontairement ? Ah non, c'est involontaire. C'est genre un truc... Généralement, les gens, en fait, ils se rendent pas compte qu'ils font ça jusqu'au jour où ils en parlent. Tu vois, ils disent « Oh, mais tout le monde... Tu sais, genre sketch, genre, ça vous arrive à vous aussi, si vous... Et en fait, bah, ils se rendent compte qu'en fait, bah non, les gens, ils voient pas ça comme ça. Genre, t'as des gens, par exemple, je sais pas, qui associent genre des couleurs à des personnes. Genre, ah, cette personne, je sais pas, moi, c'est jaune, elle rayonne, elle est tellement sympa. Mais en fait, on fait tous un peu de la synesthésie à des niveaux très bas. On a tous fait ça avec les Power Rangers, d'ailleurs. En fait, ils étaient tous blancs. Mais... recherche ça si ça t'intrigue, parce qu'il y a vraiment genre mille et une manières de vivre ça. Enfin, il y a des gens qui voient des couleurs pour les nombres, pour les mots, pour mais je crois d'ailleurs que c'est pas normal de voir des trucs dans sa tête. Non, je pense qu'après il y a l'imagination, tout ça. Enfin, c'est juste qu'apparemment il y a énormément d'artistes, de gens créatifs qui ont une forme de ça, enfin, ouais. Et que c'est leur manière. Après, ils sont artistes parce qu'ils veulent exprimer ça, ou enfin voilà. Bon, alors, qui veut... Pardon. Non, juste vite fait, on en parlait un petit peu avant, tu sais, tu te rappelles, on disait que, oui, les musiques de films, séries, jeux vidéo, fantasy, elles ont à peu près toutes les mêmes consonantes, parce que, oui, forcément, si tu dépeins un lieu comme l'Irlande, très proche de la nature et verdoyant, on a les instruments typiques irlandais, quoi, violon aigu, flûte, résonance, inconsciemment, tu peux associer la couleur verte. C'est pas inconsciemment. Enfin, non, je veux dire, c'est vraiment des trucs qui sont en Irlande. Je veux dire, la couleur verte, oui. C'est la couleur de l'Irlande. Oui. On parle en tout cas, allez vous renseigner. Ouais, on vous conseille la synesthésie, c'est rigolo. Et bien, Ellie. Merci. Et qui n'a vu synesthésie des musiques d'Heroic Fantasy avec nous et faire un petit blind test ? Ah, bah tiens, justement. Oh, mais justement. Ça fait la transition. C'était pas prévu, tu vois. Que tu crois. Et donc. C'était prévu chez moi. C'est ça, vous avez formé des équipes là pendant la chanson. On a l'équipe. Les boss. On a Dieu et déesse ensemble. Et vous voulez un clap, c'est ça ? Non, non, on non, vous allez lever la main comme la dernière fois, et surtout ne pas trop crier, puisqu'il est actuellement minuit dans un appartement. Mais si tu vois pas, enfin comment tu vois que c'est qui a levé la main en premier ? Ouais, parce que j'ai des yeux partout, je suis un ouf. Allez, c'est parti, on commence par un très très très très facile. Ok. Et vous êtes prêts, mes choubidous ? Attends, les équipes. C'est parti, oui, les équipes. Alors, comment vous appelez vos équipes ? L'équipe de la magie, c'est Didi et Bilka. D'accord. Et vous, c'est l'équipe de les. La Moria représente. Oh, ok. Ok, on change. Alors, on est le Gondor. On est le Gondor. On est le Gondor. Alors, attends. Non. Vous... Alors, à partir de maintenant, donc, vous serez Team Moria représente et Team le Gondor. Vous êtes obligé de le prononcer comme ça. Non, pour le c'est Gondor. Chut, moi, fort, c'est parti le pour Gondor, la première chanson. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Ok. Abe, aux manettes pour augmenter le son. Il faut lever la main. Et il faut lever la main, oui. Sinon le point n'est pas compté. Je sais que tu fais pas sous. Perry. Oui, c'est... bravo. Mais si tu savais pourquoi tu l'as pas dit, Didi. Pourquoi tu l'as pas dit, Didi. Et t'as des points bonus si tu découvres le nom de la chanson, l'artiste et tout et tout. Et donc, ok, bravo, un point pour l'équipe La Moria Mordor représente. Exactement. RPZ Moria. C'est parti pour le number 2. S'il y a 10 chansons. Ah, moi hey, bah. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Quand ils arrivent dans la forêt du Lorien. Bravo. Et c'est parti pour l'autre chanson. Vogue Nikrev, Shingeki no Kyojin. tu sors. Vogel in Calif, Shingeki no Kyojin. Voilà, d'accord, ok. C'était un point bonus pour Bilka. C'est un point bonus. En vrai, la chanson ne compte pas parce que... Exactement, à 7 minutes 32 du voilà, film. Voilà, c'était sûr qu'il allait la trouver. Mais en vrai, c'est parce que j'aime bien, parce que... Oui, et je l'ai, ouais. Je l'ai demandé une fois une émission, elle est passée en musique. Ah non, non c'était pas celle-là. C'était l'autre. C'est une autre. Compte-mi, hein, parce que franchement, bravo, là, je savais même pas de quoi il parlait. Voilà. Une note, il m'a fait une note et... Oui. On sait bien qu'il a été enfermé dans une cave jusqu'à ses 20 ans, enfin... Jusqu'à mes 27 ans. Pardon. Donc voilà, c'était un petit point bonus qui s'y cachait, parce que faut pas déconner non plus. Elle est tellement belle. Il vit pour cette série. Alors, ouais, c'est parti pour la troisième chanson, du coup. C'est Dragon Age ? Non. Ah non, c'est The Witcher. Le Gondor. Le Witcher. Donc le Gondor, 2 points pour le Gondor. Moi j'allais dire le Roi Lion, mais bon. Allez, c'est parti, number 4. Et on commence à augmenter un peu de difficulté petit à petit. Putain, le Gondor appelle à l'aide. J'ai envie de dire Skyrim en fait. Non, je veux pas passer. Est-ce que c'est un film? C'est un film. C'est un film, ou là, c'est pour moi. Est-ce que attends. J'ai le droit de dire Narnia pour le LOL? Non, c'est pas Narnia. Non. Ah, je dis, eh, moi, je il y a des pas, animaux hein. Par contre. Ah, oh, ça m'aide pas. Ah, en fait, plus. Ça dit quelque chose. Ah. Ça commence à monter là. Oh, oui, non, mais il y a le rythme, qui, le rythme des violons derrière qui est en loop, qui me dit un truc, mais moi. Alors en fait. Non. Je pense que c'est plus notre chère amie Julia qui peut savoir. Ah hein oh, merde, ça doit être de l'anime, c'est ça. Oh, tu l'as spoilé. Hein oui, Nausicaa oui. Je sais pas. Non, Princess Mononoke. Bah oui, ah, mais ça ouais, s'est joué mais un peu. Non, mais moi, c'est je... quand ils partent en guerre. Exactement. Ouais. Bravo. J'ai le temps pour rien, moi je connais plus. 3-1, la team Moria. J'ai pris de l'animation. Désolé, je t'ai pas reconnu. Voilà. Alors. T'inquiète. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Non. Dragon Age? Et vous? Game of Thrones? Moi, Game of Thrones, je veux dire. Il faut lever la main. Ouais. C'est le thème. Faut lever la main. Game of Thrones? Mais non. Dragon Age? Bravo! Ah. 3-4. Est-ce que il lui a donné un coup sur l'épaule, elle a pas levé la main. On s'est fait fourvoyer. Milka, on était fourvoyé. Hey, tu m'as trahi. Allez, c'est parti. Celle-là, c'est pour Pepette. Agent P. Mulan. Nope, c'est pas de la heroic fantasy. Le Hobbit, non. Non. Putain, ça me dit quelque ouais, chose. Non. Un pays irlandais. Ah. Agent P. Outlander ou c'est pas Outlander? Non, c'est pas Outlander. Outlander, c'est Chut, écouter un peu. Zelda? Oh, je sais! Ouais, moi, c'est Dragon! Putain! Ah et je suis choqué. Putain, tu n'es pas trouvé je ça, c'est incroyable. C'est quelle chanson de Dragon? C'est le thème principal du premier. Non, pas du tout. C'est dans le 2 quand il vole avec sa maman. Non, mais c'est pardon, un. C'est spoil. C'est une réécriture. Évidemment, de c'est des thèmes premier. Donc de John Powell. C'est très ça. Très bon. Ouais, supervisé très par bon compositeur. Ça, je ne sais pas. Je suis pas sûr. C'est DreamWorks. Hein, je sais ouais, pas DreamWorks, si c'est Hans Zimmer. Non, DreamWorks supervise toutes les musiques d'Hans Zimmer. Alors, notre chanson qui suit. Nous entrons dans la difficulté la plus totale. Donjons et Dragons. Nope. Le film. Il y a un film. Il y en a 3 bah ou 4. Oui. Levez la main. J'ai envie de dire Willow. C'est pas Willow. C'est pas du James Horner, ça. Donc n'oubliez pas qu'il est actuellement bientôt 1h du matin, donc calmez vos égoutilles pour les ouvrir. C'est vieux, vu la musique, c'est un truc vieux. J'ai envie de dire. Putain, ça me dit oui. Attends, comment elle s'appelle déjà? L'histoire sans fin? Non. Frankenstein? Non. Est-ce que je. Voulez-vous un indice? Oui. Muscle. He-Man? Moi. Hulk. Moi, Bilka. Non. Ego, sur Dimension Bilka. Bravo. Non, non, Muscle. Muscle. Le bossu de Notre-Dame. Conan le barbare. Putain, j'allais bravo. Dire. Bravo. Je vais fermer mon ordinateur. Muscle Schwarzenegger. J'avais, mais voilà. Ah, mais en plus, j'avais l'image et je m'étais dit, c'est... Merde. J'aurais pu dire Serpent aussi, d'ailleurs. C'est magnifique comme qui est donc un univers qui est beaucoup, beaucoup plus étendu et intéressant que ne... ce que pourrait laisser paraître le fait qu'il y a juste un mec bodybuildé. Et d'ailleurs, il ne parlait pas pendant le film parce qu'il avait trop un accent allemand. Enfin, je crois qu'il est autrichien, pardon. Oui, oui, enfin, c'est pareil, hein, c'est la même langue. C'est des chelous. Alors, c'est Connard parti. Oh putain, c'est parti. Là, ça va être peut-être question de rabitilité ou... En tout cas, la difficulté est présente. C'est Blanche-Neige et le chasseur. Oh, bravo. Oh, T'as des points bonus si tu dis l'artiste ou la chanson. Elle sait. Cassol. L'artiste. C'est Florence and the Machine. Bravo, deux points, incroyable. Il remonte, magnifique. Deux points, tu me comptes pas beaucoup. Et le titre, la chanson. Breath of a Lie. Oh, bravo. Oh là là, 4 alors, points, 12 alors, points. J'ai pas honte d'avoir perdu ce point parce que 6-4. Je oh là merci. Là, incroyable. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ça va peut-être être une... Oui, cette chanson est magnifique et me flippe. Ouais, elle me fait pleurer. Vous êtes prêts pour petite chanson question de rapidité, attention. Univers heroic fantasy absolument incroyable. Et il sait très bien, c'est bon. Oh, it's just a scratch. Ah, Monty Python. Yes. Et un bravo, et c'est quel film? Monty Python Sacré Graal. Bravo. Oh là là, ils sont trop forts. Ouais, hein. Donc, incroyable. Et ah, j'ai levé la main aussi. Et c'est quoi la chanson? Ah ouais, c'est quoi la chanson? Ah bah là, non, je sais pas. Tu connais la chanson? En tout cas, Jean P. C'est pas The King, je sais pas quoi, non? Non. Non. Bah, passe autre chose, c'est bon là. Ah là, voilà. On a gagné, merde. C'est très short, c'est très short. Il faudrait trouver une petite chanson, la dernière, qui fasse un peu, qui mette tout le monde d'accord, non? Mais j'en ai pas, j'ai pas préparé suffisamment bien. Promise behind. Sheeran. Bon, je sais pas, allez, peut-être cette chanson, point bonus. Viking. Voilà, ok, allez, c'est bon, c'est putain, fini. C'est point Bilka encore. Ok, question par contre, fantasy. Qu'est-ce ou vice? Bon, je sais pas, alors, j'ai non, mis ça comme ça, j'ai paniqué. Parce que le surnaturel est présent, mais il n'est jamais expliqué. Donc le point compte pas. Donc tu t'es trompé. Non. Et c'est donc Perrine, Abe et notre Jérémy Julia qui gagne. Je bravo. Je me suis trompé parce que j'ai bravo. Donné la bonne réponse. Voilà, bravo, bravo. Bravo. Merci, merci. C'était une très belle émission. Scapin. Hey, je t'appelle Scapin maintenant. C'est un bon nom de rappeur. C'est aussi une œuvre de Molière. Scapin. Et je tiens attends, à conclure, avant de mettre la chanson, je tiens à conclure, c'est pas de la pub parce que personne nous paye, hein, on est pauvres, mais juste oui, je tiens à faire un énorme coucou à Icar qui fait des réparations de drones dans le 95 à Neuville-sur-Oise et qui sont assez fabuleux, extrêmement gentils, et je leur avais promis donc, de parler d'eux dans le podcast, et c'est pour ça que je le mets à la fin, pour pas embêter tout le monde avec ça. Et que... Icar, c'est ça? Icar, réparation de drones, vraiment, ils sont très très gentils. Ils, ouais, font ils nous ont donné des drones courses de drones, et c'est trop cool. En rapport avec le Minotaur, justement, Icar. Oh. Icar, le fils de Dédale voilà, qui a voilà. construit le labyrinthe dans lequel était enfermé ça, le Minotaure. Qui vola trop près du soleil. Exactement. Pas voilà. Donc représente, ils sont donc, vous pouvez les appeler, en tout cas les taper sur Google, non, pas trop fort. Hein. Chut, moi fort s'il vous plaît. En tout cas, taper sur Google leur nom, c'est très très très cool. Icar de à Neuville-sur-Oise. Et, c'est marrant que tu dises et voilà, ça. Voilà. C'est marrant et que tu dises ça parce on que va je passer, souhaite... on va aller dormir. C'est marrant que tu dises ça parce qu'il s'appelle Icar parce que je souhaite aussi faire un big up à Icar Productions, qui a été fondée par un professeur à moi et un ami maintenant, que j'embrasse, il se reconnaîtra, qui bah, du coup a monté sa boîte de production et il adore la mythologie grecque, il l'a appelée Icar Productions. Voilà. Ouais, mais en tout cas, nous qui sommes dans l'audiovisuel, n'est-ce pas, eh bien, on kiffe. Enfin, personnellement, je kiffe les drones, ouais. Abe aussi, je pense. C'est très beau parce que tu m'as montré les visuels la dernière fois. Oui, oui, on est allé à la montagne et le fait de rafler les montagnes, enfin les crêtes drone, et tout, ouais. C'est génial. Et je vous invite d'ailleurs à regarder certaines chaînes de dronistes qui utilisent des drones de course pour, comment dire, rafler des monuments ou rafler des montagnes. C'est très, très impressionnant. Et il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Mais merci à eux, merci à vous, merci beaucoup d'avoir écouté. Ah non, je parle pas de vous, moi, je parle de ceux qui écoutent. Je suis pas d'amis. Donc, non, mais oui, bah, bien sûr, merci Bilka, merci Didi. Ouais. Ouais, dada. Merci Agent P, Perry, oh, Perrine, je sais pas. Je me souviens de mon nom. Perrine. Pépin. Et puis, bah, du coup, Julia, merci beaucoup. Et on a l'impression qu'on fait toujours du hentai à la fin, mais c'est ce qu'on regarde à la fin. Hein. Ouais, bah, il faut bien se détendre. Avant de dormir, il faut bien se vider l'esprit. Merci. Et regarder des films portuaires. C'est des films expérimentaux. Voilà, merci Abe pour la technique. Abe à la technique. Mais de rien du tout. Et également, la prochaine. Merci Jonas pour, oui, oui, et pour diriger. Mais non, mais non, faut pas. Fois, hein. Et on va se quitter sur quoi, Agent P? Oui. Give me the mic. Je te kiffe. On va se quitter sur de la K-pop. On va se quitter sur BTS. Et c'est quoi la chanson encore? Blood, Sweat and Tears. Ok. Ah, sang, sueur et larmes. Ouais. Et pourquoi tu nous fais passer cette chanson? Parce que j'ai envie. Non mais je t'emmerde. Il faut quand même préciser que t'es quand même la fan numéro 1 of the world en France de potentiellement ce groupe. Pas non. Il y en a, c'est des psychopathes, c'est, mais la jambe est assez haut. Ah, ben en tout cas, je pense que t'as plein de gens qui t'entendent. Je pense que tu sous-estimes. Peu de gens ont un tatouage sur le visage. C'est ça. Allez, on se quitte sur ça, on vous fait des gros bisous, et puis bah, vive la K-pop, la J-pop. La J-pop, ouais. Et BTS et les BTS fans. Comment on appelle les BTS fans? Army. Les quoi? Army. Les ARMY, d'accord. Et quel rapport? Vous voulez, okay, que je vous explique vraiment le... Ok, d'accord. Alors, non, non, on balance le son et on vous invite à chercher sur YouTube, sur Google, n'hésitez pas. Et puis, pendant que le clip se déroule où ils sont dans un musée, on ne sait absolument pas pourquoi, mais ils sont fixés devant une œuvre d'art. Il y a beaucoup de mythologie aussi, en fait, BTS. En fait, c'est de la musique classique, la K-pop, je ne savais pas que... Alors, nous allons écouter Bach. Allez, un peu de sexiness quand même. Oh yeah. Allez. Bisous, bisous les gens. Ciao, ciao. Les filles font la choré. Hein. Ouais, il y a Didi et la Jean-Pé qui sont en train de danser là. Mais on ne contrôle plus rien. Allez, prochain sujet, la K-pop. Oh non, pitié, non. Salut tout le monde. Sweeter than sweet, chocolate cheeks and chocolate wings. But no, you're not getting out my good. No, you can sweet up and beat up your kiss me. I'm not the way, hold on, I told you, told you, I'm not the walk. Baby, cheer the way, he did not do it. No, you're not the pit down the moon. The match, match, you murder. Catch your car. Quack, 쥐고, 나 흔들어. 길어져 내가 정신 못 차리게 가슴이 운동돼 왜 숨만 해봐 너는 안 감옥에 중독되게 네가 아닌 다른 사람 선비지 너지 알면서도 삼켜버린 고기들 비단 눈물 내 마지막 춤을 더 가져가